à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h30, 22h, pour débriefer, je vais y arriver ensemble, l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, les Girondins ont concédé une fois de plus un match nul, un but partout face au Stade Rennais, c'était hier. À 17h à domicile, un scénario dont on a l'habitude maintenant depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs matchs. Bordeaux qui mène, Bordeaux qui a les occasions pour marquer le deuxième but, Bordeaux qui ne marque pas le deuxième but et Bordeaux qui se fait rattraper dans les arrêts de jeu. On a dû voir ça une bonne dizaine de fois cette saison, on a l'habitude. Rien d'étonnant, tout va bien. On va évidemment revenir sur ce match de la 29e journée de Ligue 1. En profondeur en début d'émission, on parlera également de la défense à 3 puisqu'elle a été expérimentée pour la première fois par Paulo Sousa, le nouveau coach des Girondins pour son premier match. On va évidemment y revenir, on parlera aussi du match de Sousa, des choix de Sousa, certaines attitudes qu'on a vues sur le terrain, certains joueurs qui se sont peut-être mis plus en valeur que d'autres. On parlera de tout un petit peu de tout ce qu'on a vu un petit peu de nouveau. Le résultat lui est pas au rendez-vous mais il y a peut-être quand même quelques lueurs d'espoir à retenir pour la fin de saison. On enchaînera, si on a le temps, par la défaite des filles face à Lyon. Je pense qu'on va tous être d'accord et que ça va aller très vite. Ont-elles fait un bon match? Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Pouvaient-elles faire mieux? Non. Voilà. C'est réglé. Et si on a le temps également, on parlera des jeunes qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la Gambardella. On y reviendra si il nous reste un peu de temps parce que je sais pas trop comment on va caser tout ça. Avec moi ce soir, ils seront deux. Pour l'instant, il n'est qu'un seul. C'est Thomas. Bonjour, bonjour. Salut Thomas, avec son petit survêt de la Roma. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait longtemps. Alors Romain, ouais. La dernière fois qu'il est venu dans cette émission, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 28. Ça va? Bon, comment ça se passe? T'es quoi là? T'es en vacances? Non, c'est fini les vacances. Non, c'est fini les vacances. T'es en quoi là? Bac là, à la fin de l'année. Je prépare le bac à la fin de l'année. Bac de français ou bac non, c'est bac de français et de sciences. De sciences. Ouais. On peut faire bac de français et bac de sciences en même temps. Non, c'est bien foutu quand même. C'est possible. Bon, ça va, tu le sens bien? Ouais, ça va aller. Ça va bien se passer. Toi, ça va le faire. Oui, parce ça que va bien se passer, ouais. Dans ton objectif de devenir journaliste professionnel, sportif. Vaut mieux. Alors en sciences, à la limite. Bon. Oui. On s'en fout un petit peu, c'est peut-être pas trop grave. Le français est plus important. Voilà, le français c'est peut-être plus important. Et Adrien va pas tarder à nous rejoindre dans quelques instants. Si tu nous écoutes, accélère. Sinon, ça va être très long. Vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31 pour réagir en direct si vous voulez parler de Rennes. Appelez-nous tout de suite, on va commencer par ça. Vous pouvez également nous joindre via, alors plus le chat est décédé, on n'aura plus de chat, il est décédé en début de mois, on l'a enterré dignement. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Alors Twitter c'est hashtag directga et hashtag girondinanalyse ou @girondinanalyse, je sais pas, j'y connais rien. Tapez girondinanalyse sur Twitter, vous finirez par tomber sur nous, sur Facebook pareil. Donc voilà vos réactions, et sur le site girondin33.com évidemment vous retrouverez toutes les brèves nécessaire. Je pense qu'on va. Il y a pas mal de trucs. Il y a les filles, on va en parler aussi. Il y a les filles qui sont parties aux États-Unis. Il y a Diego Rolland qui a lâché une petite phrase. Il y a pas mal de. Je suis en train de. Voilà, quelques train... rumeurs transfert ouais, aussi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait quelques des petites rumeurs dont on a parlé dans cette émission déjà avec Nicolas Morin. C'était vendredi soir. On a clairement parlé du cas Olivier Giroud. Vous pouvez retrouver ça, cette émission, en podcast. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, une petite blessure aussi pour Kalou. Enfin voilà, on va revenir petit à petit sur tout ça. Mais avant tout cela, on va commencer donc par ce qui s'est passé hier. Attention, musique qui fait peur. Mon Dieu, qu'elle fait peur cette musique. À chaque fois qu'on l'entend, c'est l'angoisse. J'étais content de la retrouver cette musique. Mais finalement, elle me met encore l'angoisse, tu vois. Ligue 1, hier après-midi, 17h, au nouveau stade Matmut Atlantique René Galis, les Girondins de Bordeaux recevaient le Stade Rennais. Dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, Bordeaux avait pourtant bien lancé son match en ouvrant le score par François Camano à la 59e minute. Oui mais, voilà, il est dit cette saison que Bordeaux craquera systématiquement en fin de match dans les arrêts de jeu parce qu'on n'a pas de physique, comme l'a dit Paulo Sousa, puisqu'Mbagnang a égalisé à la 92e minute Les deux buts sont d'un dégueulasse, que ça soit le but de Bordeaux ou le but. Alors même si le but de Bordeaux, il est un petit peu entre guillemets mieux construit. Mieux construit, ouais, sur un mais centre. La finition de Camano qui à 2 mètres trouve le moyen de la foutre sur le gardien, encore eux qui le remettent dans les pieds. Alors le but René, c'est une succession de cafouillages. Enfin bon, bref. Voilà, ça fait pas vraiment avancer le Schmidblick. Bordeaux qui reste 13e avec 35 points, 34 points à 12 points du 18e Guingamp, à 5 points. Parce qu'il y a un trou quand même entre le 17e et le 18e Guingamp, mais à 5 points d'Amiens, Amiens notre futur adversaire, donc ça veut dire que potentiellement suspense à la prochaine journée, le 17e peut revenir à 2 points de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est également qu'à 5 points de la 10e place, et 7 de la 9e, et même de la 8e. Donc il y a peut-être encore... c'est vrai qu'on va pas se mentir, si Paulo Sousa avait la bonne idée d'aller gratter 2-3 victoires, il reste 9 matchs. Si sur les 9 matchs, on avait la bonne idée d'en gagner, allez, je dirais, ne serait-ce qu'un tiers, tu vois, 3. Parce qu'on a quand même un calendrier sachant compliqué. Sachant que tu reçois Marseille-Lyon. Marseille-Lyon, on va à Saint-Etienne, on va à Lille aussi. Voilà, c'est pour ça que je te dis, il faut miser sur... Déjà, ça aurait été bien de battre Rennes. Maintenant, ça, tu vas être obligé d'aller faire un résultat à Amiens. Mm. Obligé de faire un résultat face à Marseille. Enfin, résultat, hormis une défaite. Je crois qu'on va à Reims aussi ou on reçoit Reims. On les reçoit, il y a un Reims. Truc dans ce goût là ouais. Pareil, il va falloir se les cogner. C'est des équipes, on prend que des équipes de toute façon. Reims ils perdent plus, Amiens ils perdent plus depuis le début de l'année. Puis Reims c'est notre bête noire depuis plusieurs années. On n'arrive jamais à les battre. Saint-Étienne ils vont quand même jouer la 5e, 4e place avec Marseille qu'on reçoit aussi, avec Lyon qui joue la 2e place, enfin Lille aussi un peu moins, Lille qui joue. Alors peut-être que pour l'instant Lille et Lyon se disputent la 2e place. Peut-être que quand on recevra Lyon ou Lille, l'un des deux se sera soit détaché pour le LOSC, soit, tu vois ce que je veux dire, ouais. Bon, si tu reçois Lille, qu'ils ont 5 points d'avance sur Lyon, il reste 2 matchs, ou 3, bon, je pense que, tu vois, ils sont, ouais. Ils sont à peu près tranquilles. Pareil pour Marseille. Marseille, tu les reçois dans... Le 5, c'est dans avril, ouais. Presque 2-3 semaines. Ok, il y a une trêve, mais entre-temps, il y aura 2 autres matchs. Il peut se passer plein de choses. Bon, peut-être que Marseille sera décroché, peut-être que Saint-Étienne sera décroché, mais c'est vrai qu'il te reste quand même que tu ne joues que des clubs qui sont devant toi. C'est sûr. Ouais. À part Amiens. Tu joues que des équipes qui sont et puis qui sont devant toi, pas de 3 dans points. Les 5 premières places. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire que même Reims a 12 points d'avance. C'est énorme. C'est énorme. Il va falloir au moins enchaîner 2-3 victoires pour se rassurer, arriver à 40 points et essayer de finir milieu de tableau, 10e place, ventre mou. En espérant que les autres derrière se bouffent entre eux, parce que Bordeaux stagne à cette 13e place, ça fait un petit moment maintenant qu'on y est. Ça fait depuis janvier. Alors, pour revenir sur Rennes, quelques stats rapido, histoire de se remettre tout ça en tête. La possession, figurez-vous, est rennaise. Alors ça, je l'aurais pas parié ça, tu vois, surtout en première mi-temps. Pourtant, en première mi-temps, Bordeaux tenait. En première mi-temps, ils touchent pas un ballon, Rennes. Enfin, ils ont une occasion, je crois, avec une. Et encore, non, hein, je crois qu'ils ont une mini occasion. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout. Et pourtant, ils ont la possession. Alors, il n'y a pas des masses d'écart, c'est 52-48, mais quand même. C'est assez équilibré au niveau des tirs, un peu plus de tirs bordelais, 14 et 4 cadrés. Ça aussi, c'est un de nos gros péchés de cette année. Quand tu cadres même pas un tiers de tes frappes, moins d'un tiers de tes frappes. Alors, vous me direz, Rennes, c'est pareil, il tire 10 fois, il cadre 3 fois. C'est pas ouf non plus, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ce qui est rageant, c'est qu'une fois de plus hier, Rennes marque sur le quasiment la seule occasion, c'est cafouillage. Franche. Ils ont même pas une occasion franche. Ouais, ils ont une demi-occasion un petit peu juste avant, mais c'est ça me rappelle le match de voilà, on va répéter un peu encore une fois. Il y avait aussi Amiens, Montpellier. Il y en a un paquet comme ça de matchs, Nantes où tu perds 1-0 sur le même truc. Les mecs se créent des semi-occasions. Et ils arrivent à te crever, en fin de match. Alors clairement le physique, Paulo Sousa avait raison, on ne l'a pas. Ça s'est vu dès l'heure de jeu, les 20 dernières minutes. C'était un calvaire, c'était un cauchemar, c'était affligeant. Tout le monde a baissé le niveau involontairement. Il y en a quand même qui se sont donné, et on va revenir peut-être après en détail sur certains cas en particulier. Mais il y en a vraiment qui se sont donnés, j'ai trouvé, bien plus que certains autres. Manque de peau, ceux qui se sont pas donnés, et notamment l'un d'entre eux qui a marqué. Ça aussi, on va revenir sur ce garçon, parce que j'en peux, ça fait 2 ans que je vous le dis, c'est pas de l'acharnement, mais je n'en peux plus de ce garçon qui s'en aille. S'il veut partir à Monaco, Camano, qu'il y aille, je l'amène moi-même en 208. Je lui paye l'essence, je lui paye le péage, je lui paye le sandwich triangle sur l'autoroute, mais j'en peux plus. J'en peux plus, t'as joué à 10, jusqu'à qu'il sorte, t'as joué à 10. Voilà, alors les gens vont dire, ah ouais, il a marqué. Oui, ok, d'accord, il a marqué, mais une fois de plus, il sauve sa prestation. Il a marqué car il est au bon endroit, au moment, surtout. Mais, oui, il a marqué, et encore à 1 mètre du but, il trouve le moyen de la mettre sur le gardien. C'est ça. Il sauve sa prestation d'une infinie tristesse, comme il fait depuis le début de saison, comme il fait depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il est nul, mais comme il a des stats pour lui, les gens sont là, oh, oh Camano. Oui, parce mais Camano, il fait des matchs nuls. À 9 buts là, depuis le début de la saison. Bah, il va finir la saison meilleur buteur du club, ça, en étant finir, nul. Il va peut-être finir la saison avec 10 buts, alors que... Qu'est-ce que tu veux que je dise? Quand je vois son match encore hier, je suis tétanisé. Il vient de rentrer dans ce studio, on va l'accueillir quand même. Salut Adrien. Bonsoir. Comment ça? Oh enculé, c'est quoi ce bonsoir? Je sais pas. Ce bonsoir fatigué. Bonsoir. Salut, ça va? C'est un bonsoir, ouais. Du niveau des spectacles de Laurent Chatry. J'arrive du bureau de la CPE là. Non, ça va. Bonsoir. Il va falloir. Alors je t'explique. On est dynamisme. Je t'explique. On est que 3. Ça va être très compliqué. On n'a pas un programme de ouf non plus, donc il va falloir être plus, tu vois, sans forcément sauter dans tous les sens. Oui, ben là il va falloir que tu te lèves. Oui, ben il va falloir que tu te lèves. Bah oui. Ou alors prends le téléphone vers toi là-bas. Mais alors, donc je disais, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Les stats, oui, pardon. Les stats. On était à 3 tiers cadrés seulement pour Rennes et on disait oui que Bordeaux a eu plusieurs fois l'occasion de tuer ce match. Bordeaux ne l'a pas notamment fait, notamment à la fin avec plusieurs contres. À la fin, t'as 3 occasions, t'en as une de Briand, une de Plasil aussi, une de Plasil, mais frappe, mais pourquoi tu fais, mais il sait pas frapper, il a pas de frappe Plasil, ouais. il a pas de force dans les jambes, il tape, c'est des frappes de mais tente un truc, mais un pointu, je sais pas, fait quelque chose, et il préfère revenir en arrière. Oh putain, et revient en et arrière pas la ballon. Oh là, okay. là, c'est quand même, il y a Basic. Ah, à un moment donné, il a compris en deuxième mi-temps, il a placé une frappe. Il a fait une frappe, ouais. Certes, frappe. Elle était bon, cadrée, certes sur le gardien. Trop propre. Voilà, mais propre, mais au moins tu tentes un truc. Et va savoir si la frappe elle est pas déviée par le dos d'un mec, par une cuisse, par un mollet, par ce que tu veux. Putain, tenter des trucs. Bon, ils m'ont fatigué à la fin. J'espère que Paulo Souza il va remettre un petit peu le truc dans en place, parce que Et encore. Bon, bref. Alors, il a dit 3-4 semaines avant de les mettre au point physiquement. Donc, autant vous dire qu'à mon avis... alors, certes, on a de la chance. Il y a une trêve. Donc, 15 jours sans match. On va peut-être les retrouver un peu mieux physiquement dans 2 semaines face à Amiens. Mais bon, moi, je suis... C'est pas non plus au top. Le top. Ouais, non, mais il y a quand même un souci. On en parlait tous les deux hors antenne, ouais. Avant l'émission. On va y revenir aussi. On en a parlé lundi. On en a parlé vendredi. À un moment donné... Ok, on est l'équipe qui a joué le plus de matchs cette saison, on a commencé fin juillet, très bien, ça je le raccorde, il n'y a aucun souci. Mais c'est quand même pas normal que des joueurs de football professionnel soient pas capables à mi-mars de tenir une heure. Mais vous vous rendez compte que Rennes, ils ont joué il y a 4 jours d'un match, un match de trois Coupe jours, d'Europe trois d'une jours, intensité, 3 jours. Londres, le déplacement voilà, à Londres. Alors, même s'il n'y a pas beaucoup, mais quand même. En termes d'émotion, avec ce qui s'est passé, les supporters, machin, tout ça, ils ont fini mieux que nous, ça physiquement. Moi, je, bon, alors ils vont te dire oui, le rythme, machin, oui, ok, très bien, peut-être. Mais bêtement, moi je me dis, quelqu'un qui oui, alors peut-être le rythme, alors on va expliquer ça par le rythme, bon, ok, très bien. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on jouait en Coupe d'Europe, on faisait pas mieux, hein. Donc je pense pas que ce soit une question de rythme, je pense que c'est une question de prépa. On continue au téléphone, Adrien, on a qui avec nous? Avec Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va Johan? Ben ça va. Johan, c'est toi qui vis à Paris, c'est ça? Oui. Ah ouais, excuse-moi, à chaque fois j'essaye de me remémorer les auditeurs. Alors Johan, ben déjà bonsoir. Ce match contre Rennes, alors il y a 2 façons de voir le truc. Soit t'es tout aussi désespéré qu'avant et tu te dis bon, bah voilà, au final on a vu ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Soit il y a ma version à moi qui est de dire bon, ok, le résultat il est pas là, mais il y avait quand même du mieux niveau engagement, intensité physique et comment on appelle ça, et le schéma tactique. Alors voilà, le schéma tactique, j'ai bien aimé. Déjà révolution, alléluia. On a commencé en 3, alors c'était un coup 3-4-3, après 3, c'est 5, passé 2, en 3-5-2, enfin ça a beaucoup changé, ça a alterné beaucoup aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Le schéma te convient? L'attitude t'a convenu? L'attitude de certains joueurs? Alors, peut-être pas de tous, mais de certains. L'engagement, la volonté, au moins Bordeaux était présent là-dedans. Alors, ou pas, hein, si tu penses que non. En général, quand il y a un nouveau coach qui arrive, les joueurs ils sont toujours très motivés. Donc, pour l'instant, je vais mettre sur ce facteur-là. Après, c'est vrai qu'on a vu des choses totalement différentes. Déjà, on a vu Pungé et Sabali qui étaient plus haut. Donc, déjà, c'est plus intéressant. Vu que Pungé ne sait pas défendre, vaut mieux qu'il reste haut. Après trois défenseurs, il fait pas un mauvais match paradoxalement, Pougé. Il fait une roulette. Oui, bah oui, puisqu'il doit pas défendre. Donc, Non, non, mais franchement, il a régalé techniquement sur deux gestes le petit pont la roulette. Franchement, moi, Pungé, il m'aurait fait toute la saison comme ça. Je dis pas que évidemment, c'est pas la folie, mais bon, allez, ça irait. Par contre, défensivement, il s'est fait humilier aussi. Mais après, on peut pas. Mais ça, voilà, pas on a l'habitude. Ça, on le sait que défensivement, c'est pas son bon. Et tu me diras, les centres, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il reste? Et les centres, ça s'est amélioré sur ce match. Mais après, peut-être que physiquement, c'est le seul qui est au niveau aussi, qui peut tenir une heure et demie. Le match. C'est un des rares qui a pas fini complètement rôti. Ça, on est d'accord. Ouais, Johan, excuse-moi, je t'avais. Et donc, après, moi, ce que j'ai aimé, c'était l'envie déjà. Bon, ça, on va dire que c'est l'effet nouveau coach. On va dire que c'est ça. Après, on a vu des choses tactiquement. On voit qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui commence à se dessiner avec le pressing, etc. Franchement, j'ai regardé le match au début, je me dis, mais est-ce que c'est la même équipe qu'il y a une semaine? Alors, j'ai regardé les joueurs, je me dis peut-être qu'il a changé. Non, c'est les mêmes. Je me dis bon, on dirait ils ont pris quelque chose dans le crâne. Par contre, jusqu'à la, je crois, 75e à peu près, je vois les coachings de Paulo Sousa, je me dis, oula, déjà il fait rentrer Plasil à la place de Camano. Bon, pourquoi pas, il veut muscler le milieu, ok. Après, il fait rentrer Sankaré à la place de Briand, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Je fais, il y a Maja sur le banc, il y a Caramo, je comprends pas trop, tu peux peut-être faire rentrer un attaquant, ça peut être pas mal. Et je pense qu'il a envoyé un signe négatif directement à tous ses joueurs, en fait, c'est, je fais rentrer des milieux pour blinder. Et je pense qu'il aurait dû laisser un attaquant, un Maja par exemple, qui aurait pu presser, hein. Je pense qu'il sait courir quand même, Caramo sait courir. Je pense qu'il aurait pu avoir du pressing, ça aurait évité peut-être de prendre ce but à la con à la dernière minute, quoi. C'est le ressenti que j'ai eu, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de... Alors bon, Thomas, je pense que t'es un petit peu jeune, mais même Adrien. Après, Johan, ça dépend de l'âge que t'as, mais ça se trouve, je vais me faire une référence qu'à moi-même. À l'époque des trophées NFP sur Canal+, il y avait... Je suis pas trop vieux. L'ancien rugbyman. Chabal. Non, mais Chabal. Donc tu sais pas de quoi je parle. Parce que sinon, t'aurais percuté. Attends, je peux pas. Guillard. Philippe, qui a fait des films, là, qui a fait Le Fils à Joe et tout ça, là. Mais c'est Moscato qui a fait. Mais non, c'est bien ce que je dis, t'es trop jeune. bref, Guillard, l'ancien joueur de rugby qui intervenait, qui faisait. Il y avait notamment un trophée humoristique, c'était le prendage de but à la con. Et ben, voilà, là je crois qu'on est en plein dedans hier, le prendage de but à la con. Alors c'est pas le premier, hein, on en a prendé plein. Cette saison, ça doit être le, je sais pas combien, le 6e, le 8e, le 10e de but à la con qu'on prend. Mais c'est quand même assez... Ouais, c'est... Puis en plus, toi, je sais pas, Johan, si tu l'as vu à la télé, le match, ou si... Oui. Mais depuis la tribune, mais tu le sens venir. Mais à déjà, 10 millions de bornes, tu le vois venir. Déjà, tu le prends sur l'engagement quand ils le font. Moi, je vois l'engagement, je fais, mais attends, pourquoi mes joueurs, ils bougent plus, là? Il y a un bug, il y a quoi? Ils font quoi? Tu vois, tu prends un but sur l'engagement. Bon, il y a un enjeu, mais tu prends un but, genre, action d'école, ils font 3 passes, ils marquent. Mais tu dis, mais... il y a pas des gens sur le terrain qui disent, oh les gars, oh, on vient de marquer, on reste en place. Non, tu prends un but sur l'engagement direct. Donc déjà, tu devrais te dire dans ta tête, on peut peut-être en prendre un. Donc faut éviter de faire les cons. Et derrière, tu concèdes un corner, tu prends déjà retour des vestiaires, 48e, t'as Poudjin, mais une tête sur la barre transversale, ça je pense que bon, déjà tu dis oula. Mais le truc, c'est, on avait vraiment l'impression que mentalement, bon déjà, ils étaient carbo physiquement, mais mentalement, c'est les vieux démons qui revenaient et... Je pense que le coaching les a pas aidés. Je pense que si on avait fait rentrer un attaquant en plus, à la place de Briand qui était peut-être cuit, je pense que ça aurait peut-être pu donner une autre idée et mais une volonté. Est-ce que tu te dis pas, Paulo Sousa, il mène 1-0, il reste 10 minutes, ou je sais pas combien, un quart d'heure quand il fait son changement, il voit que visiblement le deuxième on le marquera pas, il se dit bon, contente-toi peut-être de 1-0 pour commencer pour un premier match dans ta nouvelle équipe, puis ça va peut-être mettre les, voilà, ça va peut-être mettre les mecs en confiance. Parce qu'à bout d'un moment, le deuxième but, tu as 1, 2, 3 occasions. tu marques pas. Ah oui, non, il y a pas de tir. Tu dis à un moment donné, c'est bon, on le marquera pas le deuxième. C'est voilà, faut se résigner. Sauf miracle, penalty, exploit de comme ils font à chaque fois. Bon là, il y avait pas Caramon et Kalou. Exploit, ouais, ouais. Le mec qui frappe enroulé, ça part lunette. Mais bon, ils le font plus tellement les trois là. Ouais, bah. Voilà, tu te dis le troisième, on le marquera pas. La rentrée du Nous Sankara à la 90e, c'est peut-être aussi pour dire bon, allez, on blinde au milieu, oui, pour ça, on va subir parce que il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu, faut pas l'oublier. 5 minutes, c'est long. Et puis surtout, on était carbonisé complet. Enfin, quand il dit qu'on n'a pas de conditions physiques, Paulo Sousa, mais il a complètement raison. À la 70e, il y avait quasiment plus personne. Ah mais il les a tués la semaine là, je crois qu'ils étaient morts quand ils rentraient chez eux. Ah mais c'est ça qu'il les tue la semaine, moi je suis très content. Mais le temps qu'ils reviennent à niveau, qu'ils l'encaissent, cette prépa physique, ça va être... Bah, on sera prêt pour la saison prochaine. Non mais c'était déjà compliqué avant de finir les matchs, hein. C'est-à-dire que honnêtement à un moment donné, moi j'entends tout ce qu'on veut et infini respect à ce qu'a fait ce monsieur parce qu'il a passé 20 ans au club. Ouais, mais, bah oui. Mais je suis désolé, il faut quand même pas oublier certaines... Je suis désolé, la préparation physique, le préparateur physique du FC Girondins de Bordeaux, c'est Eric Bédoué. Donc si les joueurs mi-mars ne sont pas capables de tenir un match d'une heure et demie, même en ayant commencé en juillet, c'est quand même inquiétant. La saison avec Gourvennec ou avec Sagnol, je sais plus, où on a 19 blessés à chaque match, rappelez-vous, ou 12 blessés à chaque match, c'était pas il y a pas longtemps, hein, c'était il y a 4 ans, 3 ans, même pas. Voilà. Et là aussi, je pense qu'il y avait un problème de préparation physique. Je crois que c'était même 2 ans de suite où on avait 9 ou 10 blessés à chaque match. Enfin, Il y avait la pelouse, il y avait plein de trucs qui faisaient. Alors, il y avait cette histoire de pelouse. Mais enfin, bon, quand même, là, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de machin. T'as 30 ou 35 joueurs ou 40 joueurs sous contrat et on arrive encore à être cramé en fin de match. Enfin, moi, les Rennais, ils ont joué il y a 3 jours, on disait à Thomas avant l'émission. Puis, on avait l'impression qu'ils étaient plus frileux. 6 matchs d'Europa League, 4 matchs en plus, ils sont en demi-finale de Coupe de France. C'est ça. Ils jouent, quoi. Et ils ont fini mieux que toi. Ils ont fini physiquement au-dessus. Après, c'est dingue. Le schéma de jeu qu'a mis en place Sousa met en avant le fait qu'on soit en condition physique. Alors, baisse la tête ou relève le micro, mais... Parce que le 3-4-3 est un schéma de jeu qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup, surtout, alors pas forcément défenseurs centraux, et encore, mais je pense à Pounje, Sabali et les trois de devant qui devaient faire le pressing. C'est un schéma de jeu qui est exigeant, alors c'est le schéma de jeu préférentiel de Sousa, donc forcément... si les joueurs n'arrivent pas à répondre à ça, il peut les trouver pas au niveau. On est presque à l'antipode de ce que faisait Bédoué, où on était à essayer. Toi, t'as perdu un pari pour placer antipode, non? Oui. Ouais. Mais non, c'est. Est-ce que ça a un rapport avec tout ce qui est iPod et tout ça? Non, non. Mais si, c'est l'inverse, c'est Samsung qui sort l'antipode. Bref, Bédoué et Ricardo qui faisaient un schéma de jeu qui était très encadré, très tactique, et finalement, il manquait de mouvement dans l'équipe. Mais on pouvait jouer et pas prendre de but sans beaucoup se déplacer. Alors que le schéma de jeu de Sousa, c'est l'inverse, t'es obligé de te déplacer tout le temps, sinon tu prends l'eau. C'est un schéma de jeu qui est intéressant parce que t'es obligé de te déplacer tout le temps pour défendre et donc offensivement t'auras des brèches aussi. Donc c'est un schéma de jeu plus risqué. On l'a vu sur le match contre Rennes là, hein. Même si au niveau physique ça n'a pas suivi en seconde mi-temps, en première mi-temps il y avait déjà des risques parce que les commentateurs disaient, hein, les deux équipes se renvoient coup pour coup parce que le schéma de jeu de Bordeaux permet ça. Ceci dit, c'était quand même un match pas c'était pas, je trouve. Alors après, devant la télé, je sais pas ce que ça a donné. Voilà, je sais pas à la télé ce que ça a donné. Mais il y avait pas de tir cadré. Alors, les deux équipes arrivaient à 30 mètres, c'était terrifiant. Mais c'était vraiment terrifiant des deux côtés. Alors nous, on le savait. Rennes, je mettais ça sur le compte. Alors Rennes a commencé quand même sans Grenier ni Ben Arfa, ça aide pas non plus pour alimenter les attaquants, mais enfin quand même, c'est pas non plus une équipe. Après, ils ont pas non plus des peintres, quoi. Oui, voilà, ils avaient quand même une bonne. Enfin voilà, t'as quand même des joueurs, t'as Bourigeaud, t'as Ounou que je trouve très bon, André. Bon, ils ont pas quand même une équipe de pipe. Ils avaient de quoi faire. Ils n'ont pas fait beaucoup tourner en plus, parce qu'hormis Grenier et Ben Arfa, ils n'ont pas fait beaucoup tourner. Oui, il y avait 2-3 changements, pas plus. Il y avait 2 changements. Et Léa Siliki aussi. Et Léa Siliki, ouais. Il y avait peut-être 3 changements par rapport à l'équipe. La défense était la même. La défense était la même. André, Traoré, il y a Ounou qui a pas. Je crois que Ounou avait pas joué. Pas joué il a joué peut-être à la fin. Il remplace Ben Arfa dans le 11, quoi. Et moi, je vais défendre un joueur que je défends depuis toujours, c'est Nicolas Depréville. Ah, mais merci. Je veux qu'il marque. Mais merci, Johan. Le mec fait un match hier, mais en termes d'engagement comment on appelle ça ? Oui, de combativité. D'engagement, de combattre, mais quand je vois, c'est ça moi qui me fait mal, qui me fait chier, mais je vous jure que vraiment ça me contrarie vraiment, c'est pas une blague quand je dis ça, quand je vois des joueurs comme Camano, comme Caramo, comme Kalou qui marchent, qui défendent pas, et qui se replacent pas et qui marquent. Et lui, il se démène comme un pauvre diable à chaque match. Il a pris un nombre de coups hier, mais incalculable. Il s'est fait découper. Contre Montpellier, c'était pareil. Il s'est fait découper. Il a pris des coups, des boîtes. Il était par terre et il se relevait et il y allait. Alors, oui, des fois, il était un peu maladroit, un peu imprécis. Mine de rien, le but, la déviation de la tête, elle est pour lui, hein, sur Camano. Mais lui est brillant, parce que brillant aussi, je trouve, hier a fait pareil un très très gros match dans l'engagement et surtout dans tout ce qu'il aime faire, c'est-à-dire les petites déviations, tout ça. Les deux, je les ai trouvés mais énormes, et ils sont pas récompensés. C'est vraiment, putain, le foot des fois tu te dis c'est quand même pas payé, quoi. Mais depuis un petit bout de temps là, Depréville c'est un peu le seul qui anime on est complètement d'accord, et mais bon, parce que Camano ne produit rien. Caramo, c'est pareil. Et ça ne trompe pas, Depréville était pris en grippe pendant une partie de la saison par le public. Aujourd'hui, Depréville n'est plus sifflé. Depréville, quand il rentre ou quand il sort, il n'est plus sifflé. Il est même très applaudi. À l'inverse de certains, je suis désolé Adrien, mais on va y revenir. Alors bon, Camano, forcément, il est sorti, les gens, ils ont ovationné. Oui, forcément, le mec a marqué. Mais il fait encore un match lénifiant au possible. C'est triste. Enfin, bon, il bref. A été plus intéressant que ses derniers matchs, quand même. Ah bon ? Ah oui, oui. Oui, et en plus, alors, par contre, ça, c'est une force de Souza de donner le côté gauche à Depréville, qui est normalement côté préférentiel de Camano. Est resté côté droit, mais non, il fait un match un peu plus intéressant. C'est chez Majo aussi qui permet ça, parce que ça oblige à bouger et pas rester sur son côté. Mais c'est un peu plus intéressant. Mais pour moi, Camano, c'était presque un grand malade pendant tout l'hiver. Donc le fait qu'il marque, c'est intéressant, mais il est encore loin du niveau qu'il doit afficher pour être un titulaire indiscutable. Mais ça. Le fait qu'il marque, c'est pas anodin, il est quand même présent. C'est loin d'être suffisant, mais c'est encourageant. Moi, pour revenir sur Depréville, quand il marquera son premier but, je suis persuadé que sa saison va se lancer, ou même l'année prochaine, il sera au niveau et ce sera lui qui va mener l'attaque des Girondins, je pense. Bah, après, alors c'est toujours pareil, à voir ce que voudra faire Paulo Souza, parce que bon, Depréville, on va pas se mentir, on le revendra jamais le prix qu'on l'a acheté. Non. Donc, plutôt que le vendre à perte, même après, tu peux te contenter de dire bon, c'est toujours 4 millions, 3 millions, je crois qu'on est au. Je me dis, quitte à le vendre une bouchée de pain, autant le garder, ça peut toujours faire un complément dans ton effectif. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que visent les Américains. S'ils visent un mec qui met 25 buts par saison, mais pas dans l'axe, c'est toujours pareil. Depréville, faut pas le mettre dans l'axe. Il est sur un côté. Faut le mettre sur un côté. Mais c'est vrai que dans l'engagement, dans la détermination, dans la volonté, il est là, il n'y a rien à dire. Il se donne. Après, malheureusement, bah, des fois, c'est franchement aussi en ça que putain, ça paye pas, quoi. Ça paye pas. C'est le foot, des fois, tu te dis, c'est quand même, ça paye quand même vraiment pas. Enfin, remarque sur les 3 derniers matchs qu'il fait. Alors là, il est pas décisif. Si. Johan a raison. Ce garçon, il mériterait tellement de marquer, d'enchaîner 2, 3, 4 buts pour finir la saison un peu bien. Que... Il mériterait de marquer tout ça, mais bon, si on fait pas les aveugles, on voit quand même que sur les 3 derniers matchs, il y a la passe D pour Bazic, même si elle est involontaire, mais elle y est. Il y a pas la passe D pour Caramo, mais celle-là, c'est comme à l'époque mais avec Maurice Bollet. Avec Maurice Bollet, celle-là, elle tient à rien. Il suffit que l'autre il marque et ça lui fait une stat en plus. C'est l'autre qui veut pas la mettre. Et là, avec Camano, ça sera pas compté non plus comme une passe D, mais c'est. Mais comment? Non, parce que. Le gardien la retouche. Le gardien la retouche, donc je pense que ce sera pas compté quand même. Pas... Bah, il est décisif, quoi, encore une fois, de voilà. Paris, là. Mais sur, il est impliqué, donc il commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et on a deux, voire peut-être trois joueurs avec Camano, vu que je suis. Calou, apparemment, il va pas rejouer avant un petit moment. Alors, Calou, on a des nouvelles de Calou. Tu fais bien d'en parler, je rebondis une dessus. Contracture ou je sais pas quoi, enfin j'ai pas bien compris. Ouais, mais... alors il était absent, bon évidemment, hier. Il souffrirait d'une contracture musculaire qui l'a empêché de participer à la rencontre, donc ça c'était hier. Il doit s'occuper de plus, il doit s'occuper de sa maman, a déclaré Paulo Souza, puisque sa maman, comme vous le savez, a été kidnappée. Alors ça s'est bien fini puisqu'elle a été libérée, mais voilà, il... bon. Ça peut se comprendre, il préfère s'occuper de sa maman que... Cependant, il devrait être de retour pour la réception de Marseille, voire même sur la pelouse d'Amiens le 31 mars 2019. On est le 18, il a une petite douzaine, quinzaine de jours. Il a 15 jours, quoi. Oui. Voilà. Donc, bon. Pour une petite contracture pour Calou, ça devrait... ça nous ferait pas de mal, franchement, parce que quand tu vois hier les solutions offensives que t'as sur le banc... Il y en a deux, hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand Cornelius étant blessé et Calou étant blessé. Ouais, il restait que Madja et Caramo. Et voilà. Oui. Quand tu regardes, ça te fait pas des masses de possibilités, si Youssouf, tu veux. À la limite, mais bon. Ouais, plus un milieu pour moi. Ouais, c'est plus ça, oui. Mais parce que pour en revenir à Depréville, je dois peut-être être le seul supporter girondin à avoir floqué mon maillot avec son nom. Ah, déjà. C'est voilà, le courage. Vous... Si on était à la guerre, j'aurais pris. Moi je le ferais volontiers. Moi, franchement, c'est un mec déjà humainement, il a l'air d'être nickel chrome, il fait jamais de vagues, il fait toujours le taf. Il est pas récompensé. T'entends ça, jamais parler du garçon en dehors. Non, il fait jamais de pas de déclat tempestif. Ouais. Pas de problème de barbe. Pas de problème. Il fait le taf, même s'il marque pas, c'est vraiment dommage. Et après, pour en venir un peu au coaching de Souza, il a dit en conférence de presse que si on n'avait pas marqué, il allait faire entrer Caramo et Zidou. J'ai envie de dire, oui, mais t'as marqué, tu peux le faire aussi. Enfin, c'est pas perdu, c'est pas parce que t'as marqué que tu peux pas le faire, en fait. Et puis, oui. Mais je pense que là, il voulait vraiment, vu que tu chantes de chez Majeu, même quand il y a Plaisil qui arrive, il voulait vraiment sécuriser. Et il a peut-être un peu trop sécurisé, vu que finalement, t'avais plus personne devant pour garder la place de privilège. Avant il y avait les joueurs défensifs. Avant de parler spécifiquement de la défense à 3, on se le garde pour la fin. Il y a quand même deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première, on a parlé de Pungé tout à l'heure. On va parler de Sabali et on va parler du milieu de terrain. Je voudrais commencer par Sabali. Alors après, une fois de plus, ce n'est que mon avis personnel. Quand vous voyez Sabali passe 85 minutes sur le terrain. Alors, toujours pareil, on va rester indulgent puisque c'est la première fois de la saison que Bordeaux jouait dans ce système-là. Donc pour les joueurs, c'est peut-être nouveau. Et les postes de latéraux de Sabali et de Pungé, c'est ces deux postes-là qui sont le plus impactés par ce changement de système avec la défense centrale. Donc on va être indulgent. Mais quand même, quand je vois l'engagement, l'impact... Et l'agressivité qu'a mis Palencia quand il est rentré. Le peu de temps qu'il est rentré, c'est-à-dire 10 minutes. Ouais, comparé à ce qu'a mis Sabali, je me dis quand même, moi, il y a un des deux qui me donne plus envie de voir que l'autre. Parce que pour moi, il y en a un des deux qui est plus dans la mouvance Caramo, Camano, machin, que, après, c'est que mon avis. Mais je sais pas, Sabali, j'ai l'impression qu'on l'a perdu depuis qu'il est parti, ni à Naples, ni à... C'était où l'année dernière, là, au mois de janvier ? Fulham, voilà. J'ai l'impression qu'on l'a perdu, ce garçon. Alors, il fait encore les efforts de dédoubler, de machin, de trucs. Oui, il a quand même 2-3 actions intéressantes. Voilà, il a quand même 2-3 actions intéressantes dans le match. Mais je trouve qu'il est plus... Il est plus aussi percutant, il est plus aussi agressif. Et c'est pas bon. Parce que, alors, soit c'est un problème physique, et dans ce cas-là, il se retape bien cet été, et on le retrouve l'année prochaine. Soit tu fais les efforts pour regarder Palencia qui jusqu'à présent moi ne m'a jamais déçu. D'ailleurs je trouve qu'il attend beaucoup. Sabali il le sort à la 85e mais dès la 70e tu vois qu'il est carbo Et, on le... et encore, il lâche un rush hein, aussi avant de sortir. Hein. Il fait un rush en plein axe où il est tout seul, oui, en train oui, de oui, tout le monde. Oui. Je vois ce qu'il fait, mais il n'y a personne. Donc, bon. Et... Mais non, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que j'ai trouvé Sabali plutôt bon, on va dire, parce qu'il était dans un poste d'électron libre sur le côté. Donc, il n'avait pas non plus trop à défendre ni trop à attaquer. C'était un peu, il faisait un peu ce qu'il voulait. Mais je l'ai trouvé plutôt cohérent. Et moi, je le préfère dans ce poste-là à Palencia, qui, pour moi, Palencia sera peut-être trop rugueux. Il voudra trop presser et des fois ça va peut-être poser des problèmes sur le côté. Je pense qu'il lui manque encore un peu de rigueur tactique à Palencia. Mais après c'est normal, il est jeune. Mais je pense que non, Sabali, je l'ai trouvé bien. C'est pas tellement à lui que j'en serais la pierre. Thomas, pour moi, Sabali, ce poste lui convient parce qu'il est très à l'aise techniquement. Techniquement, c'est un niveau balle au pied, c'est un très bon joueur. C'est un peu comparé à Pungé qui est. Pungé à l'aise techniquement, mais bon, Sabali est quand même largement au-dessus. La qualité de centre de Sabali est plutôt pas mal. À l'époque de Malcolm, ça marchait plutôt bien ce duo. Donc pour moi, je pense que Sabali, c'est plus une sorte de milieu droit, défenseur droit. Mais bon, ce poste lui convient, je pense. Non, Adrien, si t'as rien à dire, on passe au milieu de terrain. Ce qu'a dit Johan et Thomas. Alors, on n'a pas absolument pas parlé des milieux qui étaient respectivement Otavio et Bazic. Et Thomas Bazic. Et j'ai toujours maintenu cette idée qu'on n'a pas besoin de trois milieux récupérateurs pour jouer au football. Deux, ça suffit très bien. Il y a eu des très grandes paires de récupérateurs à Bordeaux. Je ne vais pas remonter aux années 80 ou aux années 90. Diarra Fernando, Smertin Costa. Pavon en 98, t'as Pavon. Il y avait qui au milieu avec Michel Pavon. Soyez, j'ai un trou. Ça me reviendra. Bah oui, non, mais là, je. Alors, je t'explique. Je sais pas toi, mais alors j'en ai deux devant moi. Il y en a un, il a 17 ans. Il me dit c'est qui Pavon. Et le deuxième, il fait genre je cherche sur mon ordinateur, mais il sait pas plus de quoi je parle. Michel Pavon. Je connais le nom. Je l'ai pas vu jouer, toi, Pavon. J'ai 21 ans, donc... T'as 21 ans, Johan ? Et moi, j'ai 23. Oui. Bordel de Dieu. Pardon, excusez-moi. Non, mais oui, je pensais que t'en avais au moins 25-26, quoi, tu vois. Non. Oh là là. Bon, et ok. Oui. C'est la vie. non, mais... T'as pas besoin de trois joueurs récupérateurs pour jouer au football. Deux qui font le boulot, ça suffit largement. Et moi, Bazic, j'ai trouvé qu'il avait fait encore une fois un match correct. Sur les coups de pied arrêtés, propre. Pas de fioritures au milieu. Si je prends ces stats, les stats de la défense sont assez impressionnantes. Les stats du milieu de terrain. Otavio gratte une dizaine de ballons, Bazic en gratte 15. Ça a fait le boulot. Il a été dangereux sur une frappe, il a été dangereux sur un ou deux corners, je crois, qui tire pas trop mal. Est-ce que cette paire était juste à laisser? Parce que bon, je pense que Paulo Sousa, il a envie aussi de tester. Hein. Il va peut-être tester une autre paire à Amiens. Il y aura peut-être Otavio sans carré, ou Bazic, je sais pas. Il faut qu'il fasse ses essais aussi, mais moi j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas trop mal, plutôt bien, pour un... non. Mais ouais. Alors Otavio, je trouvais intéressant surtout au cours du match où il commence à prendre ses repères et être vraiment ce pivot essentiel pour les trois défenseurs et pour relancer, même si il y avait Lassina Diabaté, Bruno Darrocha, je savais bien, Kiki Moussampa au milieu. Même si Moussampa était plus offensif. Mmh. Voilà. Ça ne vous parle pas, évidemment, vous n'étiez pas né. Mais le fait que vous ne soyez pas né ne vous empêche pas de vous renseigner sur ce qui s'est passé. On les connaît de nom, mais. Voilà. Il y a date. Tout ça pour dire que Otavio, c'est intéressant sur l'orientation, il commence à s'adapter. Même s'il y a 2-3 prises de balle où, en fait, il pourrait gagner du temps au lieu de contrôler et tout ça juste en orientant son corps. Donc ça, c'est un truc qu'il va apprendre et avec le schéma de jeu et tout ça. Bazic, je l'ai trouvé moins bien sur ce match. Je l'ai pas trouvé top. Mais après, c'est un nouveau schéma de jeu encore. Il est jeune. Il a un peu un poste compliqué vu qu'Otavio, c'était vraiment à point de basse et Bazic, il était là. C'est presque ce genre, tu dis, il est là, ok. Bon, ben, t'es au milieu et comble les trous. Donc, Bacic a eu un peu de mal. Après, est-ce que je vois un joueur qui puisse faire de meilleurs matchs à son poste? Non, pas sûr. Mais bon. Pour moi, Bacic, c'est plus un 10 ouais. qu'un 6. Oui, oui, voilà. C'est... Et encore, là, je sais pas s'il était 10, 8. Il a une qualité de frappe, mais techniquement, c'est très fort. C'est ça. Et il a le physique. Alors, il faut qu'il se renforce encore un peu, mais il a le physique, la grandeur et tout ça pour être un 10 qui n'aura pas le souci qu'a eu Vada. Vada, son grand souci, c'est que physiquement, à chaque fois, il un suffit peu. D'un contact et il se fait bouffer. Il a marqué avec Saint-Etienne ce week-end. Oui. Valentin Vada. Bah, moi, pour parler un peu d'Otavio et Bacic, alors. Moi, quand j'ai regardé des matchs, j'ai vu qu'Otavio, bon, bah, c'était un peu le travailleur de l'ombre, il faisait les petites passes, etc. C'était pas non plus flamboyant, mais il faisait le travail. Par contre, quand je regardais la réaction sur Twitter, bah, je voyais qu'il y avait tout le monde qui le désintégrait, quoi. Je sais, mais j'ai pas vu le même match ou quoi, parce qu'il y en a qui leur reprochent qu'il est. Ouais, après, Johan, méfie-toi des réseaux, c'est toujours. Enfin, voilà. Bon, on sait très bien que les rageux sont sortis plus facilement sur les réseaux que. Il y en a bien qui disaient qu'Ossil, c'était pas un bon gardien. Oui, non, mais enfin, voilà. c'est... Non, mais moi, Otavio, j'ai trouvé plutôt bon pour le travailleur de l'ombre. J'ai trouvé bon pour le travailleur de l'ombre. Je pense que c'est un joueur qui va récupérer le ballon et faire la passe à Bacic ou à un autre si on joue avec 3 milieux en 3-5-2. Mais je pense pas que c'est le mec qui va faire une transversale à la Busquets ou des trucs comme ça, quoi. Je pense que c'est vraiment le travailleur de l'ombre pour juste récupérer le ballon, parce qu'en plus il a la grinta, donc il va courir un peu sur tout le monde, récupérer le ballon, la passer à Bacic, et Bacic va devoir organiser un peu le jeu ou un autre. Mais il peut progresser sur sa frappe, non? Parce que sur les frappes. Ah bah, de toute façon, il faut tous qui progressent sur toutes leurs frappes. Oui, oui, alors là, oui. Alors moi, il y a un truc, une fois de plus, je sais pas, enfin, moi je. J'aimerais, alors à l'époque c'était Bédoué et Ricardo, mais j'aimerais avoir, si ça ne s'arrange pas sous Paulo Sousa, tu les vois faire à l'échauffement, je sais pas si le montre à la télé ça, Johan, tu les vois faire à l'échauffement des exercices, ils partent, ils sont à 40 mètres du but, d'accord, t'as un mec du staff qui est devant la surface, ils lui font une passe, le mec il décale un coup à droite, un coup à gauche en retrait, et il frappe de 20 ou 25 mètres, exercice de frappe avec gardien, et il tape. Et il y en a qui se débrouillent très bien. Hein. Il y en a qui ont, on voit qui ont de très belles frappes de 20-25 oui, mètres. Oui, tu les supporters, mais ça c'est pas. Oui, vrai. Mais bon, je veux dire, dans l'ensemble. Il y en a pas beaucoup. Et alors, va savoir. Mais je veux dire, à quoi ça sert de leur faire ça, puisque quoi qu'il arrive en match, il y en a pas un qui frappe dès qu'il est à plus de 10 mètres. À quoi ça sert? Le seul qui l'a fait, c'est Bacic sur ce match-là. Putain, mais tenté Plasil à la fin. Mais c'est terrifiant. Mais il m'a scié. Mais il m'a scié. Le mec est tout seul. Mais il est tout seul. Frappe, mais il a pas de frappe, Plasil, on le sait. Soit il a pas de force dans les jambes. Il sait pas frapper fort, Plasil. Mais un pointu, si tu sais pas frapper fort. Tu reviens pas en arrière quand t'es en situation de contre. Tu reviens pas en arrière. T'es un contre, c'est la 90e. Il y a deux défenseurs. Deux défenseurs rennais pour trois attaquants bordelais. Ou va provoquer, rentre dans la surface, essaie d'aller peut-être chercher un péno. Va provoquer, tente un dribble, tente un truc. Mais fais pas ça. Sur le défenseur, ça va encore rien. Non, mais c'est pas. Tente quelque chose. Voilà, tente un truc, frappe, comme tu dis, frappe sur le défenseur, tente quelque chose. Non, là tu m'arrêtes et je reviens et je repars. Alors oui, tu gagnes. Tout ça pourquoi au final? Pour rien? Pour la perdre. Pour la perdre. Je pense que c'est dans cette action qu'on se prend le corner et le but après. Tu la perds. La proximité de l'action en plus. Il m'a rendu fou le type. Il m'a rendu fou, je te promets. C'est pas possible. Que Briand rate son occasion. Ça frappe du droit à la 89e ou 80, je sais pas combien là, où il met une frappe au lieu de la croiser, il la met premier poteau à ras de terre, le gardien il la plonge. Mais à la limite, je comprends, le mec il est là depuis une heure et demie, il a couru partout, il s'est donné. Bon, il en a un peu plein les chaussettes, il réussit son dribble, il fatigue un peu, il tire. Allez, ok, pourquoi pas. Putain, mais Plasil il vient de rentrer. Il est sur le terrain depuis. Attends, je te trouve le truc. Bah, 20 minutes peut-être. Ouais, Plasil il rentre. Alors évidemment, j'ai pas le truc. Plasil il rentre à la 64e minute, quoi. Non, il frappe pas parce qu'il veut conserver le ballon. Non, mais il frappe pas parce qu'il sait pas frapper. Mais Plasil, une fois dans sa vie, il a mis un gros but. Deux fois dans sa vie, il a mis contre un gros Caen, but de loin. C'est contre Caen et avec Monaco à l'époque où il met une frappe de 35 mètres qui va casser la barre. C'est tout. C'est deux fois dans sa vie où il a fait. Si c'était un gros frappeur, mais pourtant, des fois il frappe, hein. Il y avait des matchs où c'était devant le virage. Ouais, là, mais Johan, c'est des Paris où il fait 3 frappes en 10 secondes. Non, mais c'est des frappes de pupille asthmatique, les enfants. Arrêtez, même ma nièce de 4 ans, je crois, elle tape plus fort. Moi je veux bien, mais au bout d'un moment, Plasil, si c'était un gros frappeur, ça se saurait. Mais dans ce cas-là, que ce soit un autre, Basic le fait. Briand, pareil, Briand, il a pas une grosse frappe de loin, c'est pas à lui de faire ça. Mais qu'on ait des mecs, putain, qui tapent, savez, quoi, j'en peux plus. Je vais ressortir. Vous l'avez vu le but du Rémois, du Rémi Houdin. Vous l'avez vu? Ouais. À l'entrée de la surface. Il est beau, mais il est gaucher. Donc, la frappe du droit, on sent que c'est la frappe que tu mets, c'est ton mauvais pied, Mais moi, le premier, et pourtant je suis pas fan de ce joueur, mais je reconnais au moins ce mérite à Karamo, à Kamano et à Kalou, c'est que de loin, c'est vraiment, ils ont une très belle qualité de frappe, de loin. Je crois que quasiment l'intégralité des buts qu'ont marqué ces trois joueurs, à part Kamano qui en a marqué plus sur des pénaltys, tout ça, mais c'est quasiment que des frappes enroulées limite surface, et ça fait ficelle à chaque fois. Le problème, c'est qu'ils tentent pas assez ça. Alors, déjà, le problème, c'est qu'Hart en avait un sur trois sur le terrain. Mais surtout qu'il tente pas assez. Karamo, on le sait, il est capable de le faire. Kalou, pareil. Kamano, pareil. Putain, on a le même jeu depuis le début de l'année. C'est des centres ou alors on fait le tour de la surface pour changer de côté. C'est très stéréotypé. Alors peut-être que Paulo Souza va changer ça et on a peut-être. Moi, je pense qu'il faut des joueurs pour changer ça. Il y a un truc qu'on voyait absolument pas depuis le début de saison. Alors c'est bien, l'intention est bonne, mais des fois il faut faire gaffe. On relance systématiquement tous les ballons des 6 mètres. Au bout d'un moment, avec Pablo Koundé sur le côté. Tous les ballons étaient relancés. Costil, Pablo, Koundé. Quitte à prendre des risques. Alors, quitte à prendre des... Il y a 2-3 fois, c'était chaud quand même. Il y a 2-3 fois, c'est pas passé. À un moment, Rennes... Costil, il tente une pichenette au-dessus de la tête pour Pablo qui met une tête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rennes ils faisaient vraiment un gros pressing sur notre défense à 3. On va y venir là, sur la défense à 3. C'était risqué. Alors, c'est de la bonne volonté de dire justement ça sert à rien de balancer une grande saucisse devant qui va retomber sur la tête d'un défenseur et puis on va le perdre, on essaie de construire et de repartir de derrière. Alors c'est très bien, mais il faut peut-être pas le faire non plus trop souvent, surtout quand t'as un adversaire comme ça qui te presse haut, et ça sous-entend que techniquement faut être irréprochable. Paris le fait, mais Paris s'en sort parce que techniquement les mecs sont irréprochables. Le Barça, qui tu veux. Nous, on n'a pas des mecs qui techniquement sont irréprochables. Donc t'as vite fait de rater un contrôle, de rater une passe, de rater un, tu vois ce que je veux dire, un dribble. Et derrière, ça peut te foutre un peu dedans. Mais au moins, il y a de la, voilà, dans cette volonté de relancer proprement de l'arrière. Mais oui, c'est un petit peu nouveau. C'est nouveau et c'est intéressant. Et ce qui est drôle, c'est que donc c'est nouveau, drôle et intéressant. Ouais. Non, j'ai dit ce qui est drôle, et j'ai continué. C'est que là, ça ose derrière à relancer tout ça, mais frapper de loin, ça ose pas. Et on voit que au niveau offensif, il y a un déclic à trouver. Mais c'est un déclic. Le problème de frapper de loin et du manque de frappe de loin, c'est qu'il est presque générationnel, vu qu'il y a eu un chiffre qui est sorti. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus de buts que loin que par rapport à maintenant. Alors que les gardiens n'arrêtent pas de dire les ballons, des ballons de plage, on n'arrive pas à voir leur trajectoire. Ah non, mais on est d'accord, il n'y a plus de frappeurs de loin. Ils osent pas, parce que je sais non, pas. Non, mais c'est pas qu'ils osent pas. Je pense qu'il y en a, mais par exemple. Vous voulez que je vous donne une raison? Très simple, baisse. Terrible du niveau technique des joueurs dans le championnat de France. Cette étude, c'est pas que dans le championnat de France, hein, c'est à travers tous les championnats dans le monde. Je suis pas sûr que dans en Allemagne, championnat. Je vous ressors c'est un reportage. Alors c'est peut-être de des philosophies de jeu, mais moi je te garantis qu'en France c'est surtout le niveau. Mais regardez les matchs de football, regardez certains matchs, voire tous les matchs de Ligue 1. Le nombre de frappes que vous voyez partir de 20-25 mètres qui finissent en touche, même pas en 6 mètres, en touche, en 6 mètres, sur un stadier, sur un projecteur, c'est affligeant. Hier, j'ai regardé le match Montpellier-Lyon, la frappe de Bertrand Traoré là, en fin tu de seconde mi-temps qui part en touche. Tu l'as vu ? Mais il y en a une de Reims pareil. C'est affligeant. Alors, il y a peut-être moins de buts marqués de loin, mais c'est peut-être aussi parce que peut-être les mecs tentent moins, mais surtout le niveau. Peut-être qu'on laisse moins aussi tenter. Peut-être que les défenses monte plus vite. À l'époque, un mec qui était à 30 mètres, tu le laissais un petit peu, tu te disais, bon, allez, il va pas taper. Voilà, maintenant, laisser un mec à 30 mètres tout seul avec le ballon, c'est un peu plus. T'es pas à l'abri qu'il mette le ballon en touche. T'es pas à l'abri qu'il mette en touche. Non, mais c'est une catastrophe, le niveau de la Ligue 1. Moi, si je rate juste Bordeaux, je préparerai un autre match. Sinon, je m'endors. Enfin, je pleure aussi. C'est incroyable. C'est On est d'accord que le niveau de la Ligue 1, c'est ça baisse. Bon, moi, je rate le Bayern, hein, parce que quand je passe d'un match du Bayern à Bordeaux, des fois, j'ai pas envie de regarder. Mais non, tout va bien, Johan. On a vendu les droits à 1 milliard. On est bien. Là. Ah ouais, bah c'est bien. Là. On pourra bien gérer une Mathieu, alors. À une compagnie qui a plein de problèmes à chaque fois avec les droits TV. Oui, dont on sait même pas s'ils pourront diffuser. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Non, mais ouais, c'est... Avant qu'on passe à la défense, à 3, quelque chose à rajouter. Donc, vous voulez rajouter sur les attaquants, les milieux, non, les latéraux Avant la défense, Costil, je l'inclus dans la défense. Si Brillant, intéressant. C'est un gros match encore, j'ai trouvé. Il se donne. Et franchement, même les 50 premières minutes de Pungé, je veux qu'on les enregistre, qu'on les mette à un endroit où on dit fais-toi plaisir, parce qu'il y a de tout. Ça veut dire qu'il y a la roulette. Je sais pas, pendant 30 minutes. Pont. Il y a la roulette à Zizou. Il y a le petit pont. Non, mais il a fusionné avec Zidane pendant 30 minutes. Et puis après, il est revenu des vestiaires. Avec l'esprit de Zidane. Il est revenu des vestiaires avec un esprit un peu plus suicidaire. Mais non, mais il fait une tête contre le poitrine. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible avec ce garçon. C'est qu'on le voit faire de temps en temps des très bonnes choses et malheureusement c'est trop irrégulier pour être bien mais il est capable de faire des tu fais pas une roulette un petit pont ça si t'es nul techniquement tu le fais pas ça te vient même pas l'idée de le tenter si tu sais pas le faire tu le fais pas tu te dis pas tiens je vais faire ça donc il est capable de faire les choses mais est-ce que c'est la confiance est-ce que c'est le mental j'en sais rien il est pas assez régulier Max Pungé il va faire un match bien pour 3 matchs pas bien donc bon tu vas le faire une fois deux fois un coup tu vas mettre Sabali un coup tu vas changer un coup bon c'est trop juste mais ceci dit oui t'as raison hier il s'est distingué surtout en première mi-temps on est d'accord Petit point coiffure, Camano il a fait quoi avec sa coiffure ? Parce que c'est un peu moche en fait, je pense que c'est oui, pour ça. Oui, on est d'accord, c'est dégueulasse. Il a dit tiens, je vais changer de coupe, je vais peut-être marquer. Et là, il a dû dire j'ai marqué, mais je vais garder cette coupe. Et en plus, il a dit qu'il voulait mettre des buts jusqu'à la fin du championnat pour être bien vendu, etc. Et puis, grand bien lui fasse qu'il en mette 10, moi ça me va bien. Il y a Palencia aussi qui a un peu, entre guillemets, fracassé Ricardo, il a dit que là, ah bah tiens, c'était offensif, j'ai bien aimé. J'ai envie de dire, bon, bah, c'est-à-dire qu'avec Ricardo, t'avais peut-être pas le droit d'être trop offensif, je sais pas. Bah, mais... c'est Ricardo, hein. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez peut-être pas connu, si vous avez connu peut-être l'époque, vous avez non, connu ça l'époque va, oui. Ricardo. Oui, non, mais parce que t'as l'impression que les gens ils tombaient de l'arbre, tu sais. Ah bon, bah non, mais Ricardo, les gars, on se faisait autant chier que maintenant, sauf qu'on gagnait 1-0. Oui. Regardez la finale de la Coupe de la Ligue en 2007. Regardez la finale de la Coupe de la Ligue en 2007. Adrien a raison, j'étais au stade. C'est le hold-up du siècle. Tu dois prendre 4 ou 5-0 sur ce match et tu gagnes 1-0 à la fin. Ricardo, c'était ça. Regardez ça parce que sinon. Non mais sérieux, Ricardo, c'était ça. Sauf que t'avais des joueurs capables de faire des différences, des Wendel, des. T'avais des joueurs on rigole beaucoup de Darcheville, mais Darcheville, les face à face, il se les créait et il les mettait au fond, hein, les duels face au gardien. Mais t'avais des joueurs confirmés. T'avais des Mavuba, t'avais des Miku, t'avais des gars comme ça. Le aujourd'hui, problème, t'as pas de gars de ce gabarit, Ricardo, t'en as que un ou deux. Et pour en parler une dernière fois, le problème qu'a eu Ricardo, ça veut dire que dans l'idée, ça peut le faire si ton attaque, t'as des joueurs confirmés et qu'on sent. Le problème, c'est qu'on avait une attaque jeune et donc ça pouvait pas le faire. Voilà, tu peux pas le faire en ayant des intermittents parce qu'ils. Notamment, ils sont jeunes comme Caramo, Kalou et Camano. On va passer à. Oui, il est déjà 9h30, dis donc. Et oui, hein, qui eût cru qu'on aurait fait presque. On va faire presque 1h15 sur un Bordeaux-Rennes, un partout. À la 29e journée. Bah écoute, allons-y. La défense à 3. Alors, c'était l'innovation tant attendue par certains et tant redoutée par d'autres. La défense à 3. Pablo au cœur de cette défense à 3. Jovanovic sur sa gauche, Koundé sur sa droite. Alors, avant de donner nos impressions générales, je vais quand même vous donner quelques stats. 06, c'est quoi ce numéro ? Faut pas m'appeler les gens à cette heure-ci. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les stats, oui. Donc, Jules c'est Koundé. C'est peut-être quelqu'un de très important. Hein. Jules, bah, il laissera un message. C'est peut-être le patron Jules d'une Koundé, radio qui va te... Jules Koundé a gagné 17 ballons sur les 65 qu'il a joués. Pablo a gagné 12 balles. La stat est plus impressionnante. La stat est plus impressionnante. Il a joué 52 ballons. Il en a gagné 27. C'est plus de la moitié. Alors, c'est à mettre en lumière peut-être si je vais chercher les statistiques des attaquants rennais. Notamment une action qui sauve aussi en deuxième mi-temps où il y a 3 rennais s'ils ne sauvent pas le ballon. Oui, si on dirait qu'il y a un miracle. Voilà. Depuis la tribune, on a l'impression qu'il marque contre son camp, mais bon. Oui, heureusement qu'il a ça. Mais néanmoins, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous allez nous donner votre avis. Pour une première, cette défense à 3, moi je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors oui, c'est nouveau. Oui, ça te fait prendre un peu plus de risques. Mais bon, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas eu le feu. Les Rennais nous ont pas. Je pensais vraiment que la vitesse de Niang et de Sarr pouvait réellement nous foutre dedans, voire même de ou nous. Je pensais vraiment que ça pouvait nous foutre dans la merde. On les a pas ressentis, les meilleurs. Franchement, une belle solidarité. On les a pas trop vus. Alors, vous allez me dire Niang qui marque, oui, mais enfin, je veux dire, sur l'ensemble sur du match. Sur un corner. Sur l'ensemble du match, Mbanyang et Sarr, on les a pas trop vus. Peut-être aussi parce qu'on a bien tenu le milieu de terrain de Rennais. Quand je regarde les ballons, Mbanyang, il joue 25 ballons, il en gagne 6. C'est quand même pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il en perd 18, t'imagines ? Ou 17, c'est énorme. Sarr, il gagne que 5 ballons, c'est pas beaucoup. Donc, voilà, cette défense à 3, tiens, Johan, si tu veux te lancer, voilà, ça t'a plu, ça t'a pas plu. Bah, on va dire que quand on entendait Bédoué parler à la fin, etc., puis vous, puis Jovanovic, on le sentait venir, que ça allait arriver, puisque de toute façon, t'es un peu dans l'air du temps, puis le coach, il aime bien jouer comme ça. Après, globalement, bah, pour une première, pour des joueurs qui sont absolument pas habitués, même si Pablo avait dit qu'il a peut-être dû le faire une ou deux fois, bah, c'était cohérent, hein. Maintenant, ça va poursuivre, à travailler encore quelques petits automatismes, etc. Mais, Koundé fait preuve d'une maturité incroyable, un poste qui est pas trop le sien, parce que bah, il a plus l'habitude de jouer à 2, là il se retrouve à 3. Pablo fait quand même plutôt bien le travail, et puis bah, Jovanovic nous sauve 2-3 fois où on a quand même eu chaud. Non, c'était cohérent, maintenant il y a du travail au niveau des automatismes, etc., la relance, etc., mais non, c'est bien, c'est une bonne première, quoi. Après, bon, en face, les Rennais n'ont pas non plus été trop offensifs avec les deux attaquants. Donc c'est faudra voir dans un match plus compliqué contre Marseille par exemple avec Balotelli et Germain ou même plus tard avec Amiens ou des choses comme ça, quoi. Thomas, moi je trouve ça intéressant parce que parmi ces trois défenseurs, on a Koundé qui est un très bon relanceur, Jovanovic qui est dur sur l'homme, Pablo c'est pareil, dur sur l'homme, mais donc cette défense à 3, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, elle est compatible. Non, c'est plaisant parce que aussi on avait l'impression, notamment Jovanovic, on regrettait qu'il joue pas parce que on dit il y a deux, il veut pas jouer et il fait plutôt une bonne saison. Et après, s'il y a un joueur à ressortir, ça va être toujours le même, hein, Koundé. Et plus les matchs avancent, alors c'est bizarre, il arrive encore à impressionner. Ça veut dire qu'il y a des gestes, je pense notamment sur un centre où il fait une tête en arrière, mais c'est maîtrisé parce qu'elle tombe, elle est bien calculée pour qu'elle retombe dans les pieds de Savali. Aussi, à un moment où il fait 2-3 crochets ou interventions vers l'avant, où c'est intéressant, il crée le décalage. Koundé, homme fort de cette défense, peut-être plus de réserve sur Pablo, où je trouve quand même... Je sais pas, il y a un truc, depuis qu'il est revenu de blessure, il y a une sérénité qui manque encore un peu. Et j'ai peut-être des doutes sur sa relance, mais à voir. Comme pour Jovanovic. C'est pour ça que c'est important d'avoir Koundé qui est. Koundé. Niveau relance, c'est capable, ouais, de casser des lignes. Alors, même s'il doit encore s'améliorer pour avoir des relances parfaites et arriver presque en une balle, trouver l'attaquant qui fait le bon appel, il a failli avoir ça avec Depréville notamment. Mais ouais, Koundé, monstrueux sur un poste hybride comme ça, vu que Jovanovic a eu un carton, il y a eu des phases où ça a été un peu plus compliqué, même s'il n'était pas servi par le fait qu'il y ait Sarr sur son côté. Donc, mais non, ouais, Koundé, qui n'est pas en équipe de France Espoir, parce que... Voilà. Mais non, il est monstrueux, monstrueux. C'est un sacré match. On va se calmer quand même. Non, non, mais monstrueux, il fait un très bon match. J'entends équipe de France. Espoir, j'ai dit. Oui, ça va, on peut se calmer en disant espoir. Il y a pas. Ça va, c'est pas ultra bouché non plus. Mais non, il fait un très très bon match et c'est. Et profitons-en parce que c'est 8 derniers et à l'année prochaine il est plus là. Si, non, je pense qu'il va rester. Oui, enfin ça dépend. Mais oui. Ah, c'est sûr, si t'as un club qui vient qui met 15 ou 20 millions, ça va être chaud de refuser. Non, mais... non, je pense pas forcément 15 ou 20 millions, mais si, même pour le jour. Il y a 30 millions. Si t'as un club du sud, si t'as des clubs d'Espagne qui arrivent et qui te font bon. On cherche un défenseur d'avenir. Pourquoi d'Espagne plus spécifiquement? Parce que je sais pas. Non, parce que pourquoi d'Espagne plus que l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie? Je sais pas. Moi, Angleterre, je pense pas. Il a plus ce profil d'un joueur qui va jouer en Espagne. Donc après, c'est gratuit. Après, on sait non, non, mais parce qu'en Angleterre, j'arrive pas à trouver un défenseur qui fasse sa taille, qui soit pas très grand. Et après, il a un très bon timing aussi. Il a un très bon timing et tout ça, mais après, tu sais, c'est dans la tête des gens. Hein. Moi, il y a un truc quand même, et alors, et c'est en rapport aussi avec le c'est qui c'est qui en parle à la fin du match. Ben, c'est Jules Koundé justement que j'ai entendu en après-match. Il y a quand même. On prend une fois de plus et encore une fois un but sur coup de pied arrêté. C'est une catastrophe cette année, les coups de pied arrêtés. Et je suis désolé, il faut qu'on en parle. Bah, cette défense centrale, elle est un peu ledge sur les coups de pied arrêtés et défensif et surtout offensif. Je sais pas si Pablo a mis un but, je sais pas si Jovanovic a mis un but, et je sais pas si Koundé. Si Pablo aussi. Contre Saint-Étienne, ouais, cette saison. Mais, oui. Mais combien? 2? Non, on doit être à 4 ou 5. Koundé, il a mis 5 buts cette saison. Non, mais il en sort des défenseurs. Non, mais tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Koundé plus Pablo, ils ont mis 5 buts. Arrête un peu. Et il y a Jovanovic qui a dû marquer aussi. Ah je bon te dis, je regarde, je te dis. Bon, je suis pas sûr, moi je crois qu'on en a pas mis, mais je sais que Koundé. Regarde, il y a Pablo qui en met un contre Saint-Étienne. Le problème. Ah oui, oui. Le problème, il vient que si tes attaquants sont pas performants, et nos attaquants ne sont pas. Enfin, ne sont pas hyper performants. Ils sont pas voilà, c'est pas un rendement de ouf non plus hein. On est à un but par match hein. On doit tourner à un but par match en ce moment, donc hormis le de toute façon cette année on marque pas, donc voilà, on est à un but par match. Donc quand la solution, l'année du titre, du dernier titre en 2009, non seulement tes attaquants étaient performants, tes milieux de terrain marquaient beaucoup, Wendel marquait beaucoup, Diarra marquait beaucoup, Fernando marquait beaucoup, beaucoup pour des joueurs à leur poste. Hein. Ils ne mettaient pas 15 buts, mais un Fernando qui finit la saison à 8 buts, un Diarra à 8 buts, plus était défenseur, marquait aussi beaucoup. Souleymane Diawara, il mettait son but. Enfin voilà, tes défenseurs marquaient beaucoup. Donc, quand tu as un secteur qui est défaillant, donc là en l'occurrence ton attaque, que c'est pas compensé par tes milieux, parce que tes milieux marquent pas beaucoup, même si le petit Basic il a dû mettre 2-3 buts depuis qu'il est là. Otavio en a pas mis un, sans carré a beaucoup scoré en début de saison sur la foulée de sa saison dernière, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, et que tes défenseurs derrière sont pas capables d'aller gratter le but à l'arrache comme Lucado l'a fait avec Guingamp la semaine dernière par exemple, tu vois, ou Palois avec Nantes. Eh ben c'est compliqué. Ou Ramos, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, Ramos avec le Real, le gars qui va aller te gratter le but à la fin, là, quand t'es à l'arrache, t'es à 0-0, un partout, t'en chies, et pam, il te met le coup oui, de truc. Tu perds 1-0 en finale de Ligue des Champions, il t'égalise. Par exemple, ça, on l'a pas, nous, ils savent pas faire. Alors le petit Koundé, oui, il a mis un but ou deux, mais on sait pas faire. On est sur Pablo et Koundé, on est sur AE2, 3 buts, 3 passes. Bon, si vous trouvez ça ouf, c'est bien. Non, moi, non, mais moi, c'est je trouve pas ça ouf, faible. Mais c'est... Bref, bah, il y a eu pire. Ça, sur coup de pied arrêté, on est nul. On est nul défensivement. Ah, mais offensivement et défensivement, on est nul. Ça, c'est clair, net et précis. On ne sait déjà pas. Déjà, les frappeurs. Bon, Depréville, il y a des moments, ils me l'envoient en tribune. Bon, bah, Basic, ça dépend. Bah, Depréville et Basic sur corner. J'ai vu des corners plutôt pas trop mal tirés hier, à part peut-être un ou deux, mais bon, dans l'ensemble, ça se tenait. Le problème, c'est qu'on n'a pas de tir de coup franc. Et puis, ça, moi, il y a un truc que je comprends pas. Mais je me dis, c'est tellement. Non, mais je me dis, c'est tellement bête que ça doit pas être. Je suis pas coach sportif, je suis pas coach de Ligue 1. Ah, oui, ça doit pas être le plus difficile à l'entraînement, à mon avis. L'année dernière, t'avais Malcolm. Donc t'avais ton joueur de tireur doué, archi doué, on savait, les corners, les coups francs, c'était pour lui. L'année d'avant, ou l'année encore avant, je sais plus, t'avais Cazeri, on savait, c'était ton tireur attitré, c'était lui qui tapait, c'était carré. Une époque c'était Mikou, une époque il y c'était... Il Ludo Obraniak. Voilà, il y a eu Ludo Obraniak, il y a eu Mikou, il y a eu Gourcuff, il y a eu Wendel, on peut remonter la liste comme ça. Donc cette année c'est un coup de Préville, un coup Basic. Cette année il n'y a pas ce mec attitré qui a cette fameuse patte qui peut... Il y a eu Benarbia, voilà. Mais il n'y a pas cette année le gars qui peut te mettre la balle où il veut, quand il veut. Bon, mais partant du principe que tu n'as pas ce gars-là, crée-le. Et comment tu crées quelqu'un comme ça? Eh bien, tu prends... Mais ce que je dis, ça me semble d'une évidence, mais ça me paraît tellement bête que je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait avant. J'en veux même pas à Souza, il vient d'arriver, mais j'en veux à ceux qui étaient là avant. Prends le mec le moins... le plus dégourdi avec ses pieds. En l'occurrence, Basic. Sur coup de pied arrêté, t'en as deux, c'est de Préville et Basic. Tu les prends, de Préville et Basic, mais tu les prends pas maintenant. Parce que maintenant, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard, il reste un mois et demi de compétition. Tu peux quand même commencer. Oh, il est là, mais trop tard, autant prends-les maintenant. Là. Et à chaque entraînement, tu leur dis voilà, de Préville et Basic, vous allez venir avec moi. Et un troisième, si t'as envie. En fin de séance. Et les autres, ils vont aller rentrer chez eux. Et vous, vous allez rester. On va mettre un gardien ou deux. Allez, on va mettre les mannequins, un mur, et les gars, vous allez taper toi 50 coups francs et toi 50 coups francs à gauche, à droite, dans l'axe, de près, de loin, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vous garantis, mais je vous garantis qu'à force, ils vont les mettre les trucs, ils vont les foutre au fond. Alors ça sera pas du 100%, mais je vous garantis plus performant que maintenant. De toute façon, ça peut pas être pire. On n'en met pas un. Le dernier coup franc direct, c'était qui et quand? Ça devait être Malcolm l'année dernière. Zaïdou Youssouf, premier match de tour préliminaire, le premier match de la saison. Non, mais c'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet. Moi, je veux bien, mais... Non, mais c'est surtout au moins qu'il soit dans la boîte et qu'il serve à quelque chose. Pas un coup franc qui part en tribune, pas un coup franc qui est je sais pas où et sur un malentendu peut-être... Ça peut marcher. Voilà. Enfin, moi, je comprends pas. C'est normalement, quand tu veux acheter des joueurs, normalement, tu mets des contraintes, entre guillemets. Il n'y a pas cette contrainte de tireur de coup de pied arrêté. Quand tu prends Basic, bon, ok, il est jeune. Bon, on va peut-être mettre ça sur le dos, on peut le peaufiner, etc. Mais si tu prends un joueur confirmé, quand tu prends, je sais pas, un attaquant ou un milieu, tu dois mettre en premier, genre tireur de coup franc, après, je sais pas, tireur de corner, bon pied, enfin, je sais pas. Ouais, d'accord. Mais ça doit être... Mais, alors, peut-être Souza le fera, j'espère. Pour le mercato de cet été, mais c'est les lacunes de cet ancien staff et Poyet compris, hein, parce que c'était pas mieux sous Poyet. Poyet avait Malcolm, mais en début de saison, on s'en sortait pas mieux sur coup de pied arrêté. C'est ça que je comprends pas. C'est cette absence d'idées. Mais moi, simple supporter de Benet de base, j'y pense. Donc je me dis putain, les mecs dont c'est le métier, quand même, ils devraient y penser. Dire on n'a pas le gars qui a la patte, et ben on va le créer, on va l'inventer, voilà, on va le créer. Beckham, et Dieu sait que je les aime pas, Beckham, Juninho, je les déteste. Ronaldo, Messi, enfin Messi, bon. Ouais, mais Messi, je l'aime. Oui, Ronaldo, je le déteste aussi. Mais Messi et Ronaldo, enfin si, à part Messi, parce que Messi, lui, pour le coup, c'est plus du talent que du travail. Moi, je pense qu'il y a du travail. Il y a du travail, Il y a du travail, mais je te garantis que Ronaldo est bien plus obligé de travailler que Messi pour arriver au même résultat. C'est sûr et certain. Ça se voit, de toute façon, physiquement, ça se voit et tout ça. Ronaldo, demain, il arrête les pompes, les abdos, les machins. Je pense qu'on le voit plus. Hein. Peut-être pas quand même, mais bon. Non, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il c'est un peu Nadal, c'est quand même un peu Nadal et Federer, quoi. T'en as un qui est un bout Nadal, il est obligé physiquement de se mettre minable. Federer, lui, il a physiquement. Il y en a un, c'est le meilleur joueur du monde au niveau de talent, et l'autre, c'est le meilleur joueur du monde au niveau de travail. C'est exactement ça. Mais et encore, on dit les coups francs de Ronaldo. Ronaldo, il en met pas tant que ça coups francs. En ce moment, Ronaldo, c'est même ça. Mais Beckham, c'est Pjanic maintenant qui les tire à la jambe. Voilà. Mais Beckham, et pour parler des deux plus connus, Beckham dans le monde, Roberto Carlos, Juninho en France. Et Dieu sait que je n'aime pas Juninho, mais il y avait un reportage sur Canal à l'époque, c'était Intérieur Sport, maintenant ça s'appelle Sport Sport Reporter. Il expliquait, ils étaient allés le filmer chez lui là-bas, je ne sais pas quel club au Brésil ou aux États-Unis. Non, je crois que... Aux États-Unis. C'était aux États-Unis. Au Red Bull... Los Angeles. Pas les Galaxies, mais Red Bull, oui. Red Bull, je sais pas où c'est, à New York. Ouais, New York. Et il expliquait... Eh ben ouais, à chaque entraînement, tu tapes. Beckham, pareil. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et il y a Zlatan, pareil. Zlatan sur coup de pied arrêté, c'était un monstre, Zlatan, sur coup de pied arrêté. Pirlo. Pirlo aussi. Ou même Alex, avec le PSG, quand il avait mis un coup contre Montpellier. Avec Chelsea, on mettait beaucoup. David Luiz aussi, ouais. David Luiz. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Donc tu prends deux gars à la fin de l'entraînement. Ben oui, tant pis, ils iront manger une heure après. C'est pas grave. Mais même, et tu tapes. Même Clément Grenier avec l'Olympique Lyonnais, il t'en avait mis. Même à Guingamp, il nous en avait mis. Mais tous. Récemment, voilà. Gourcuff, Paoletta. Enfin, moi, je me rappelle des entraînements quand j'allais voir Paoletta. Et ben, Paoletta, voilà. Il tapait, il s'entraînait à la fin. Séance, pénalty, coup franc. Il n'y a pas de mystère. Mais. J'espère que Paulo Sousa va changer ça et que l'amateurisme c'est fini et qu'on va enfin voir des vrais professionnels de football. J'espère. Après, Ou alors sinon il y a une autre méthode. Tu tentes une combinaison avec un mec qui se met à gauche, un mec qui se met à droite, tu lui fais la passe, ou, tu tentes. Ou pas, dans ce cas-là, si tu estimes effectivement que t'as pas un mec qui est capable de cadrer un coup franc à 20-25 mètres, 15 mètres, tu dis ben on va faire autrement. On va mettre dans la boîte, on va faire un décalage. On va... Voilà, tu tentes un truc, tu tentes quelque chose. Voilà. Mais tente un truc, plutôt que ces trucs qui servent à rien, on balance des grands saucissons. Hein. Et le ballon, il part, je sais pas où. Là, moi, vraiment, j'ai écouté un match, c'était Marseille contre je sais plus qui, puis j'ai écouté RMC, et t'avais Gilbert qui disait, mais je comprends pas comment ils font pour ne pas être précis sur corner ou coup franc, quoi, c'est le béaba. C'est ça. Ils étaient... En même temps, je crois que c'est un peu en Ligue 1, où les corners, ils savent pas les tirer, les coups francs, c'est pareil, hormis le PSG, évidemment, mais... Je sais pas, enfin bon... Oh oui, attends, c'est Paolo tranquillement à part Paris et Lyon à peu près et encore Lyon c'est assez intermittent parce qu'un coup c'est Depay, un coup c'est Fekir, un coup c'est Traoré. Fekir a encore loupé un penalty. Oh, puis il le rate. il le rate pas. Il fait pas semblant de le rater celui-là. On va le laisser travailler tranquillement. Déjà il est resté parce que bon après le match de Monaco je l'ai vu en tribune. Je me suis mis dans sa tête. Il a dû se dire mais c'est quoi ces joueurs de Mais bon, on va le laisser bosser et puis on verra bien quoi. Je crois qu'on n'aura jamais fait l'intégralité d'une émission sur un après-match. On va pas le faire, parce que bon, on va pas. Il reste 15 minutes, on va quand même se faire plaisir à parler un peu d'autre chose. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match de Rennes, Johan, Thomas? Il y avait encore personne au stade quoi. Alors, j'allais en parler. 000, on était, je crois, bah il y avait quand même 20 000. Je trouvais que c'était bien, il y avait une bonne ambiance. C'est la moitié, hein, t'es à moitié plein. Par contre, je comprends pas pourquoi les tribunes vers la presse étaient vides. J'ai vu un peu vite fait à l'écran. Mais pour la télé. Pour la télé. Mais en fait, ils veulent que les tribunes face caméra soient remplies. C'est-à-dire que pour te donner. Pourquoi le haut est vide aussi? Enfin, je sais pas, il y a tout le haut qui est tout vide. Moi, je pensais que c'était parce qu'à un moment, il y avait des travaux. Ils préfèrent remplir, oui, parce qu'en fait, les caméras filment la plupart du temps le bas des tribunes plutôt que le haut. Tu remarques parce que. De manière, tous ceux qui étaient abonnés virage nord en haut du virage nord, ils les ont fait abonner, mais virage nord en bas. Si t'as remarqué, t'as regardé Lyon-Montpellier hier après-midi, le troisième anneau lyonnais, voire le deuxième et demi, ils sont archi vides. Mais tu le vois pas parce que les caméras en général elles filment pas en haut. Là à Montpellier ils ont une tribune qui est gigantesque. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Montpellier, elle est impressionnante à la télé. Elle est impressionnante à la télé, je vous garantis qu'en parkage, quand t'es dans le stade, elle est encore plus impressionnante. C'est une des tribunes, franchement, sans mentir, c'est une des tribunes les plus impressionnantes que j'ai vues en France. Cette grande tribune qu'a Montpellier. Mais elle est constamment vide. À part Paris, Lyon, Marseille, Nîmes. Oui, évidemment. Et voilà. Et c'est des bâches. Ce sera le cas quand ce sera Bordeaux-Lyon et Bordeaux-Marseille. Ça sera plein. Quelques petites déclats. Voilà, Julien Stéphane qui estime que c'est un point mérité. Ils sont contents. Et voilà, lui, il estime que Rennes a bien joué le coup. À l'inverse, Jules Koundé dit que le résultat est vraiment frustrant, décevant. Ils intègrent petit à petit tout ce que demande le coach, mais que ça prendra un peu de temps avant qu'ils aient des résultats. Et Jimmy Briand, lui, est plutôt content. Il dit on a fait un bon match. On a appliqué les consignes exactement comme le coach l'avait demandé. Ce qui a été confirmé par Paulo Sousa, qui lui-même en conférence de presse d'après match a lui-même. Dans le vestiaire aussi avec la petite vidéo là des Girondins etc. où t'avais Costil qui parlait avant le match. Ah j'ai pas vu ça. Sousa à la fin qui a félicité. Bah c'est sur YouTube, une petite vidéo de 2 minutes 30, même pas pour les premiers pas etc. Franchement c'est intéressant. une storytelling après, voilà, en ce moment qui est en train d'écrire sur les Girondins, sur plusieurs acteurs du club. Quelques infos d'après-match. D'ailleurs, vite fait, sur l'initiative, vu que donc on parlait de la journée qu'il y a eu pour les droits de la femme, et il y avait une journée spéciale avec les supportrices, notamment les joueuses et tout ça. Et ben, les supportrices qui ont été mises à honneur, et c'est le thème du mois de mars pour les Girondins, de mettre à l'honneur les femmes dans le monde du foot. Oui, avec les photos, etc. Et avec les photos de supportrices. Ah, c'est ça qu'il y avait au stade. Voilà. Ah. En parlant de supportrices, on va parler des filles rapido. Oui. Bon, on va pas revenir sur la branlée qu'elles ont pris contre Lyon, tout le monde l'a vu. J'ai pas regardé le match, hein. Je suis désolé. Mais... Bah, il y avait 3 en même temps. Pas, bon, non, enfin, il y avait rien, je veux dire, il y a rien à dire. Tu joues contre une équipe qui a 45 points d'avance. Faire fameux, toi, son... c'est compliqué. Bah, on joue, si, quand t'en prends 7, tu peux toujours faire mieux, en prendre que 4 ou 5. Lyon, c'était très efficace. Mais le problème, c'est que Lyon, elles ont un match de Ligue des Champions qui arrive. Elles sont avec la grosse équipe aussi. Elles sont avec la grosse équipe, elles avaient pas envie de passer à travers. Faut quand même pas oublier qu'elles jouent le titre avec Paris. Paris est pas si loin, qu'elle est à 2 points derrière, donc elle joue quand même. Il y aura le match, etc. Là, mais grosso modo, le titre chez les filles se joue sur les deux confrontations directes, Lyon-Paris, Paris-Lyon. Donc, il fallait pas qu'elle se loupe. Ce qui n'enlève en rien à l'énorme championnat que fait Bordeaux. Bordeaux est, comme il disait à la télé, Bordeaux est leader du deuxième championnat. Voilà, Bordeaux fait une très grosse saison chez les filles. Mais là, bon, elles se sont fait un petit peu chahuter. Un peu comme toutes les équipes. Comme toutes les équipes qui passent entre les mains de Lyon et de Paris. Donc, bon, y a pas de drame. Ceci dit, il y a du nouveau quand même parce que elles vont aller pouvoir se changer les idées. Elles sont parties. Aux États-Unis, figurez-vous, la délégation est attendue du côté de New York pour démarrer sa tournée américaine. 2 matchs amicaux les attendent là-bas. Alors, c'est pas vraiment une surprise puisque il y a déjà un partenariat avec une école de on l'a reçu mais avec notre ami Nina Saveljic. Qu'on a reçu dans cette émission et qu'on embrasse s'il nous écoute, Nino, qui s'occupe donc de cette école de foot. Donc la marque FC Girondins de Bordeaux est déjà implantée aux États-Unis depuis presque 2 ans maintenant, ça va faire un an ou deux. Joe Dagrossa, on l'a vu dans ce reportage sur Canal Plus, dans Intérieur Sport, ou je sais pas comment ça s'appelait, là, Sport Inside ou Sport Reporter, fait un lobby de dingue à chaque fois qu'il va aux États-Unis. Dans toutes ses conversations, il place FC Girondins de Bordeaux et les Girondins et les Girondins et les Girondins et les Girondins. C'est le premier mouvement réel, c'est la première fois que les Girondins de Bordeaux s'exportent via la section féminine sur le territoire américain. Ils expliquaient que la section féminine, je sais plus quel journaliste expliquait ça, l'intérêt aussi d'envoyer la section féminine en premier, c'est que le foot est le premier sport féminin collectif. Aux États-Unis. Le foot féminin, c'est un truc de fou aux États-Unis. On prend plus. Hein. Moins 5, faudra rappeler vendredi. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va le prendre alors. vendredi. Ah, c'est fini. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les U19 aussi. Non. Les filles, oui. Les filles, les U19, on verra vendredi. Les filles, je trouve que c'est bien, c'est intéressant aussi parce que ça va permettre pour la première fois à toutes ces petites. Il faut savoir quand même, Johan, je pense que tu es au courant, il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, il y a des jeunes filles américaines qui, tous les jours, s'entraînent avec le maillot et l'écusson du FC Girondins Bordeaux sur le dos quand même. Non mais honnêtement moi le football féminin, pas je suis absolument pas moi. Dans cette école de foot, hop, je rallume ton micro. Quoi. Oui, alors ne nous appelez plus. Lucas. Bonsoir Lucas. Oui, on est désolé, il est 21h53. On va terminer l'émission. Donc nous appelez plus maintenant. Franchement, on va pas vous mentir. On est lundi, on prendra plus personne. Ouais. Joe Dagrossa, tu peux appeler. Can you call us, please? So call me, maybe. Oui, oui. Vieux souvenir. Vieux, c'était il y a 3 ans. Vieux non, je disais, cette école aux États-Unis, donc il y a un institut de football, une école de foot féminin où les filles américaines qui n'ont jamais foutu, ça se trouve, de leur vie, les pieds à Bordeaux ou en France, tous les jours s'entraînent avec les maillots, les tenues officiel et on représente le FCGB sur le sol américain. Et je trouve ça intéressant d'envoyer la section féminine là-bas parce qu'elles vont pouvoir, elles, joueuses américaines, voir concrètement ce qu'elles représentent. Oui, qui elles représentent. Elles vont voir leur équipe. Enfin, déjà, je pense que ça peut peut-être les booster de voir l'équipe première féminine se déplacer. Ça peut peut-être leur donner l'espoir. C'est comme si t'envoyais des pros au Proyecto Crecer en Argentine. C'est la même chose, ouais, tu vois. De dire au mec, putain, regardez, y a les, voilà, nous, on veut finir là-bas, on veut repartir avec eux, quoi, tu vois. Ça peut peut-être les motiver. Ouais. Moi, je trouve ça super bien. Ça fait un coup de pub. Génial. Non, c'est génial. Et il y a des vidéos faites autour de ça. C'est super bien foutu. Moi, franchement, je trouve ça très bien. À suivre donc les résultats des deux matchs amicaux. Après ce match face à Rennes, quand même un petit point noir. Jovanovic et Basic seront sous la menace à Amiens. Donc jusqu'à Lyon, je sais plus quoi. Ouais. Alors en théorie, si c'est toujours la même façon de procéder, s'ils prennent un jaune à Amiens, ils seront pas suspendus pour Marseille, ils seront suspendus pour le match d'après. Bon, le match d'après c'est Lyon. Je sais pas si c'est mieux. Saint-Étienne. Ah non, t'as raison. On se déplace à Saint-Étienne. Pardon, Johan. Après, c'est par rapport à la commission de discipline qui se réunit le lundi. Voilà, le jeudi pour voilà. Et puis on va terminer quand même sur une petite phrase. Pas anodine d'un joueur qui était présent en tribune dimanche soir, c'est Diego Rolan, qui a accordé à quelques mots à Foot Express, et plus précisément à Olivier Schwab, en zone mixte. L'attaquant uruguayen donc a déclaré un jour, je vais revenir parce que c'est mon club et que je l'ai dans mon corps. C'est beau, c'est dit avec ses mots. J'espère qu'un jour j'aurai la possibilité de revenir et de jouer ici à Bordeaux. Alors... est-ce que il peut revenir au stade, c'est bien aussi. Est-ce que c'est un appel du pied est-ce que c'est un appel du pied, je sais pas. On lui a posé la question. On lui a posé la question, donc il répond, il est très honnête, hein, il aurait pu faire de la langue de bois, machin, tout ça. Mais lui, il a l'air très décidé à revenir à Bordeaux. Franchement, il m'a pas laissé un mauvais souvenir, Diego Rolan, il était plutôt... Bon, mais il voit que l'herbe est peut-être moins verte ailleurs. Il faisait ses petites saisons, hein, ses 10-12 buts. Il peut être intéressant, et puis dans le schéma de jeu de Paulo Souza, il pourrait être intéressant. Vendredi. Le souci avec Diego, c'est il est gentil, mais quand, je crois que c'était l'année dernière, quand il s'en va un peu en mode je pars dans un club, je suis prêté dans l'autre, etc., ouais, il veut vraiment découvrir autre chose, là il se rend compte que ça marche pas parce qu'il met pas de but. Je sais plus, il y a quelqu'un qui a dit que ça pouvait être un buteur ou quoi. Non. Enfin, moi, Diego Rolan, il est gentil. Il est sympa, il a fait son temps. Voilà, il a marqué l'histoire en marquant le dernier but à Chaban, le premier but au Matmut. Ok, c'est bien. Maintenant, si tu veux revenir, pas de souci. Tu restes dans les tribunes, c'est bien. Tu peux aller voir tes coéquipiers, même s'il n'y en a plus beaucoup que tu connais. Une deuxième chance, mais parce que la première, il l'a pas vraiment raté, mais. Ça marche pas les retours de joueurs, etc. On l'a vu avec même pour les retours d'entraîneurs ou quoi. Non, franchement, non. Si on me dit il revient gratos, il baisse son salaire, ok, mais je mettrais pas 10 millions par exemple sur lui pour le faire venir, quoi. Ça serait pas ma priorité. Moi je l'avais complètement oublié, Diego Rolan. J'avais complètement oublié cet attaquant. Enfin, ça fait un bon moment maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est parti, Diego Rolan, dans ces zones-là. On n'entend pas parler de lui en Espagne. Il est prêté, il va dans un autre club, il marque pas. Après, il est reprêté dans un autre, il marque pas. C'est à Bordeaux qu'il a été le plus performant au final. Bah oui, mais c'est le seul club où il a joué en Europe, quoi. Donc après, quand il est parti. Moi, il est gentil, hein. Mais non. Après, tu sais, il y a des joueurs qui. On part du principe que tous les joueurs peuvent évoluer. Il y a des joueurs qui évolueront jamais, et peut-être que Diego Rolan, ça sera un très bon joueur de Ligue 1, mais ça sera jamais plus. Il y en a plein, hein, comme ça, qui sont très bons joueurs de Ligue 1, et puis dès qu'on les envoie à l'étranger, ça explose comme des pop-corn, des Thauvin et compagnie. Oui. Ça a été un très bon joueur de Ligue 1, mais avec Diabaté, Telin et Waro qui faisaient le taf autour de lui pour jouer dans un 4-4-2 avec un pivot à côté. Parce qu'il faut se rappeler, il a quand même mis un an et demi avant de marquer son premier but. Oui, c'est vrai qu'il était un peu léger. Il flottait dans son maillot, je me rappelle, quand il est venu. Une saison à 15 buts, hein, c'est tout. Hein. Après, le reste, il a mis, je crois, il a bien un an et demi avant de marquer. Il y a eu cette saison où il te tient l'équipe jusqu'en décembre, et c'est Cheikh Diabaté qui se blesse, et c'est Cheikh Diabaté qui finit la saison en... où ils font une saison les deux. Enfin, je crois que Roland marque genre 8, 9, 10 buts, je crois, jusqu'à la trêve. Et c'est Diabaté derrière qui finit le taf. Vous avez le bonsoir, Tard. Bonsoir, Tard, merci. Il est arrivé juste chez lui. Il a fait. Ah ouais, non, là, à cette heure-ci, non, à cette heure-ci vendredi, on prend plus personne. Vendredi. Ah non, vendredi, non. Puisque vendredi, de toute façon, 21h58, on va conclure là-dessus. Vendredi, non, pas d'émission, puisque équipe de France est donc trêve. Lundi prochain, pas d'émission puisque équipe de France est donc trêve. On se retrouvera donc le vendredi, la veille ou l'avant-veille de Amiens-Bordeaux. Ça sera le 29 mars. 29, parce qu'on est le 22 vendredi prochain. C'est ça. Oui, oui. Donc le 29, pas d'émission vendredi, pas d'émission lundi. Sauf coup de théâtre extraordinaire. Tu sais, il peut se passer n'importe un truc de fou. Bah oui, à savoir, j'en sais rien. On peut annoncer une recrue, on peut annoncer un coup de théâtre. Oui. Petit mot sur l'équipe de France. On est sûr et certain que si, par exemple, la rumeur Olivier Giroud vient, bah, il sera plus sélectionné. Que Jules Koundé ne sera jamais pris parce qu'il est trop technique pour la défense. Alors, pour être clair sur ça, je sais pas si t'as écouté l'émission de vendredi soir. Non. Tu peux la réécouter en podcast. Mais j'essaie de trouver le podcast, mais j'arrive jamais. Archive.org, tu tapes sur Google. Archive.org. Non, mais attends. Gironde. Est-ce que les gens peuvent le trouver directement en passant par nous? C'est ça que je veux dire. Sur le site Gironde 33. Voilà. Notre partenaire. Et on a vu Nicolas Morin, journaliste à France 3 Aquitaine, qui il s'en est pas caché, il nous l'a dit clairement. Bordeaux a déjà contacté Olivier Giroud. Bordeaux a recontacté Olivier Giroud cet hiver et Olivier Giroud n'a pour l'instant jamais dit non. Il n'a pas dit oui. Il n'a pas répondu. Il n'a pas dit oui. En Angleterre pour l'instant. Mais il n'a pas dit non. Je pense qu'il attend surtout de savoir ce que Chelsea veut faire de lui l'année prochaine. Parce que s'il lui dit encore, bah écoute garçon, tu vas cirer le banc puis tu vas jouer 15 minutes en général. Je pense qu'il attend surtout de voir si Sarri est l'année prochaine. Non, mais Sarri, pareil que ça va partir. Donc après, faut voir qui c'est qui arrive. Enfin, il y a tellement de psy que ça paraît très compliqué. Mais Giroud, il est typiquement dans le profil que recherchent les Américains en dehors des jeunes. Parce que les gens croient qu'on va avoir une équipe qui a des gars de 17 ans. Non, ils n'ont pas dit ça, les Américains. Les Américains, ils ont dit on cherche aussi des profils à la Costil, à la Briand, des mecs expérimentés pour encadrer les jeunes qui connaissent rien. Il est typiquement dans ce schéma. Il avait dit on veut des joueurs comme Costil. Non mais voilà, Giroud, il est typiquement Giroud, il a quel âge? 31, 32. Il s'approche de 33. Donc Giroud, il va pas te demander 300 000 euros par mois. Tu lui dis au garçon, il te reste 2 ans. Non mais attends, il lui reste 2 ans. Arrêtez, il lui reste 2 ans de football à faire. Il sort d'Angleterre, il est titulaire en équipe. Non, d'accord. Il a gagné le monde. Mais il a 33 ans et 2 ans de contrat. Donc tu vas pas lui dire, oh, t'es gentil garçon. Après, il faut savoir s'il veut jouer encore dans un bon championnat ou s'il veut aller prendre de l'argent en Chine, tout ça. Parce qu'à mon avis, à Chelsea, il va pas jouer avec Higuain. Moi, je pense qu'il aurait tout intérêt à revenir en France. Peut-être pas la saison prochaine. En Europa League seulement, parce que. Mais sinon, en championnat, il y a Higuain. Il est titulaire dans. Sauf à Paris, il est titulaire partout. Ah bah, à part Paris, oui, on est d'accord qu'il est titulaire dans les 19 autres clubs de. Mais ça serait vraiment un coup marketing, un tonnerre sur la Ligue 1. Ça serait un énormissime. Si t'arrives à faire Giroud, c'est un truc, c'est un coup de tonnerre. Depuis Yann Bourcuff, il était même pas à ce niveau. J'allais dire depuis le retour de Mikou du Verder, mais encore. On a fait signer un champion du monde récemment. On a créé des champions du monde. Est-ce qu'on en a fait signer? Je sais pas. Il n'y a pas eu à Bordeaux après 2002 Non. Pas un Brésilien. Ah, alors pas français, mais tu as eu des champions d'Europe. Par exemple, tu as eu Capsis. Qui était champion d'Europe 2004 avec la Grèce. Et qui est venu après. Ah oui, mais champion d'Europe, on a tourné. Mais c'était pas des Français. Bien, messieurs, 22h, une. On va s'arrêter là. Johan, merci à toi d'avoir passé cette émission avec nous. Aucun problème, c'était toujours un plaisir et un honneur. Bah écoute, c'est gentil. Merci à toi également. Ouais. C'est un régal de t'avoir à chaque fois, Johan. N'hésite pas à appeler plus souvent. Oui, bah oui. Bah après, j'aime bien laisser la place aux autres quand même. Non, bah t'inquiète pas, t'inquiète pas. On gère, il y a de la place, ouais, t'inquiète. On est large, t'en fais pas. Hein. Allez, merci Johan. Et puis écoute, on va te souhaiter une bonne soirée, une bonne trêve devant l'équipe de France, devant la Moldavie. Bah, je vais arrêter l'équipe d'Allemagne, je suis désolé pour vous, mais moi l'équipe de France, je peux pas, donc... Ouah, bah, oh. Moldavie-France, t'es pas chaud pour voir la France jouer en Moldavie, ça va être sympa. Ah non, Allez, non. Salut Johan, merci salut. À toi. Salut. Bonne soirée. Ciao. On va se quitter là-dessus, messieurs. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Rien. Voilà, pas d'émission vendredi, pas d'émission lundi. Retour le 29. Les phrases de fin. Bon petit Thomas, allez pour toi. Non, t'as rien à dire ? Allez Bordeaux. Voilà, c'est très simple, sobre, classique, efficace. Cyril n'est pas là, donc ça capte mal. Non, Cyril n'est pas là, donc Didier Sénac. Peut-être bientôt dans Gironde Analyse. Mais vends pas du rêve aux gens comme ça. Si on le fait pas, on va passer pour des cons. Didier Sénac. Oui, alors quand je dis du rêve, non, non, non, parler. Non. On espère. Si vous êtes Didier Sénac et que vous nous écoutez, appelez-nous. Pas un homonyme, hein, le vrai. Parce que Didier Sénac qui habite à Cubzac Médoc, je m'en fous en fait, si tu veux, tu vois. Didier Sénac, producteur de vin. Non, ça se trouve, le vrai producteur de vin. Non, et puis pourquoi pas un jour. On a lancé une opération sur Twitter, Gourcuff d'Angers. Ça, j'ai pas compris en fait. Appelle-le, pourquoi tu fais une opération appelle-le. Sur Twitter. Ah, mais oui, mais tiens, si comme j'avais si son numéro de Gourcuff. Non, mais attends, je suis désolé. Gourcuff, il a un agent. Qui doit être joignable. Bon. Non. Son agent, c'est l'agent de Zidane. Et alors ah bah, ils sont pas joignables, c'est vrai, ils ont pas Twitter, ils ont pas Facebook, ils ont pas non, de. Il y a pas Twitter. Ils sont difficilement joignables. Hein. C'est comme si tu disais Jean-Pierre Bernet. Je non, parce que tu crois vraiment que Johan Gourcuff, il va voir qu'il y a 100 retweets sur un truc et il va non, dire tiens. Non. En vrai, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être son numéro. Qui. Toi, Karine Ferry, elle est sur Twitter. Non, mais elle est sur Instagram. Eh ben, va chauffer Karine Ferry sur Instagram, mon gars. Eh ben, c'est ce qu'on vient de faire ce soir. Sérieux ? Oui. Ah, mais voilà ! Parfait, mon gars ! Voilà. Non, mais je te dis, tous les chemins mènent à Rome. Pas si tant est que on ait envie d'aller à Rome. allez. Voilà, merci. Donc, du coup, ta phrase de fin, c'était quoi, toi ? Oui, c'était ouais. Ça. Incamano, we trust oui. Back. Incamano, we trust for go home. Far, far away. Très, très loin. Pour ma part, ça sera toujours la même chose. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Johan d'avoir passé cette émission avec nous. Merci à Tahar qui a appelé et puis à Lucas aussi. Désolé, mais bon, c'était un petit peu tard. Autant le vendredi, on peut déborder un petit peu, mais là, le lundi, franchement, 22h, c'est très bien. Merci Thomas, merci Adrien. On se retrouve donc le 29, la veille du déplacement à Amiens. Dans Gironde Analyse sur RIG 90.7 FM et sur rigfm.fr. On vous souhaite d'ici là une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne trêve. Régalez-vous avec l'équipe de France ou l'équipe d'Allemagne ou l'équipe d'Italie ou ce que vous voulez. C'est la Nation League là, non c'est, non, là, c'est les qualifs pour l'Euro. D'accord. Ça reprend quand la Ligue des Nations là ? Ben il y a les phases finales. C'est au mois de juin, je crois. Ouais, ouais. C'est au mois de mai ou au mois de juin. Voilà, donc bonne trêve, amusez-vous bien et allez Bordeaux.